Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Maxime Bilodeau nous présentera une chronique sur nos amis les animaux dans d'une foulée à l'autre. Anne-Julie Durocher sera avec nous pour nous présenter quelque chose qui l'intéresse dans l'index. Et on discutera comme toujours de politique avec François Landry et son segment Logocratie 101. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 25 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Tu sais, ce que j'aime pas, moi, c'est quand je passe quelque chose à quelqu'un qui me revient, mais qui est pas dans le même état. Tu sais, il faut que... quand t'apprends quelque chose, tu le remets à sa place, dans le même ordre. Ouais. Les fils branchés à la même place. Pareil. C'est ça? Ouais. Ouais. Je peux-tu t'emprunter pour déménager des boîtes? Ta copine pense que je vais te ramener en bon état. C'est normal. Oui, couche avec la blonde, c'est ça. Puis là, ça fait comme, attends un peu, là. Ça, je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé de déménager des boîtes. Ça marche pas comme ça. Non, pas comme ça. Je t'ai pas demandé de remplir une boîte avec ton marteau. Ouais. Donc aujourd'hui, l'émission à 7h30. Maxime Bilodeau sera là pour d'une foulée à l'autre. Et aujourd'hui, il nous parle des animaux et c'est bizarre, on dirait. En tout cas, ça paraît bizarre, dit comme ça, mais. On se demande pourquoi le règne animal peut nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et plus spécifiquement sur nos performances athlétiques. En effet, à l'aide d'exemples tous triés sur le volet, nous dresserons de nombreux parallèles entre animaux et sport, activité physique. Ne manquez donc pas d'une foulée à l'autre à 7h30. Chronique à caractère bestial. Oh, oh! Ça, c'est bizarre. Et il voulait nous titiller ce matin. Ça ressemble à ça. Ça t'excite, ça paraît. À 8h, on aura Julie Durocher, sa chronique L'Index. Comme toujours, elle nous présente une chronique aléatoire, un peu n'importe quoi, sur quelque chose qui l'a passionné cette semaine, quelque chose qu'elle veut partager avec nous. Et puis à 8h30, on aura François Landry avec la chronique Logocratie 101. Et son thème cette semaine, c'est une Macédoine de nouvelles. Une Macédoine. Donne faim, ça. Petit blédin. Là, tu sais, les petits blédins, c'est bon. Ouais, c'est pas tout le monde qui trippe là-dessus. Ah! C'est pas tout le monde. Okay. Sinon, on va aussi avoir cette fait édition jeu vidéo en début d'émission. Donc toi, bon retour, Jean-Philippe. On l'a pas dit, mais t'étais pas là hier. Ben non, j'ai été absent. T'avais un oral? Ouais, une présentation. Ouais. C'est fait. Ça a bien été? Très bien. Good, ta note aujourd'hui, demain? Aujourd'hui, demain. On a hâte de savoir ça. Je vous le dirai en ongles. On partage toutes les bonnes nouvelles. Sinon, les gens se demandent, mais pourquoi t'étais pas là? Ben, c'est juste à cause de ça. Ben oui. Ça devrait être la dernière que je suis pas là. C'est pas la semaine prochaine aussi? Là, t'as peut-être bien raison. Je sais plus. Je pense que t'es pas là la semaine prochaine mercredi. Je veux pas. C'est plus toi qui connais ton horaire. On s'en reparle. Good. Parfait. Pause. Pause. On va y revenir. Si vous entendez le bip-bip, on y revient. Donc, on va commencer en musique comme toujours. Et je sais pas. Ce qui m'intéresse en ce moment, ça ressemble à du forêt. Tu connais la pièce Corps maquillé? Ben oui. D'ailleurs, hier, tu t'es pas maquillé le corps, comme tu le fais à l'accoutumée, justement, puisque c'était la journée sans maquillage. Ah, wow! Hey, je pas, on n'en a pas parlé du tout hier. Ben, écoute, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça paraît que je t'ai sauvé. Ça paraissait que je n'étais pas là. Hey! Hey! Oh, toi, l'actualité, hein? Hey! Hein? Il n'en a pas parlé nulle part! Non! La journée sans maquillage. C'est tout. Le temps s'essouffle et nous sépare. L'enveloppe du cœur s'ouvre et touche avec les yeux et touche avec le foie, les uns soufflent et donnent silence. We'll s'arrête et nous dépose au pied des arbres morts. Avec ton beau corps maquillé. Oh, merci. Non, il n'y a pas le beau, mais c'est ton corps ah! maquillé. Ah! Mais oui, mais fin. Là, c'est pas moi qui ai écrit la toune. Oui, mais là, je m'en fous. Adapte-la. OK. Ton corps velu et athlétique. Pas velu, c'est toi qui es velu. Ah! C'est trop. Maintenant, hein? Là? À la place d'être velu, ça va être évolué. Ah! Évolué. Je la vois venir. On va évoluer vers de l'apprentissage dans cet effet jeu vidéo edition. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, cette édition spéciale jeux vidéo. On ouais. fait une fois de temps en temps, on aime ça. Alors, on commence avec The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Moi, j'aime bien la série des Zelda. Est-ce que t'es un fan? Non. Non, même pas les premiers. Link to the Past. Mais c'est pas mon. Je dirais pas que c'est pas mon style de jeu, mais c'est pas un style de jeu que je jouais quand c'était populaire. Okay. Je sais pas pourquoi. Non, c'est correct, il y en a plein. C'est juste arrivé de même. C'est quoi ton style de jeu, mettons? Ben moi, je suis genre Call of Duty. Ça, okay. J'aime bien. First person shooter. Ouais. Simple dans les yeux de la personne. Ouais, ça, moi, il faut qu'il y ait le plus de morts possible. Okay. Ça, c'est cool. Il y a un gars violent. Ouais. Mais sinon, sur l'ordinateur, j'ai quand même eu mes phases Age of Empires, okay. Starcraft. World of Warcraft. Non. Non, pas celle-là. Ah, ça, c'est trop. Ça rend trop accro, ça. Oh, ouais. Tiens-moi là-dessus. Ouais. Non. Donc, on vient à The Legend of Zelda Ocarina of Time. C'est le fun de parler de jeux vidéo, des fois. Donc, si t'entres dans la pièce avec la grosse statue là, à l'intérieur du Spirit Temple et que tu tires avec ton hook shot, là où il y aurait des tétines de la statue, si jamais elle en avait, mais elle n'en a pas, tu peux t'attacher à ces tétines-là et tirer vers, tu sais. Oh. Genre, te tirer toi-même vers la statue. C'est comme une genre de blague, un inside chez Nintendo. La statue, elle n'a pas vraiment de tétines, mais tu peux t'attacher à ces tétines. Je trouve ça cool. On revient encore plus loin en arrière et au moins tout le temps un fait sur Super Mario Brothers. Tout comme dans les éphémérides du rock à rock classique, il y a toujours un fait, c'est Beatles. Tu peux pas t'en sortir. T'as pas c'est le choix. C'est classique. C'est exactement. Donc, les cheveux de Mario sont bruns, sont cés, alors que sa moustache est noire. C'est parce que lors de la sortie de Super Mario Brothers Atari, les créateurs de Mario voulaient qu'il ait une couleur définitive de cheveux dans le jeu. Et c'était plus facile de dessiner sa moustache en s'arrangeant pour que les lignes de son nez sorte, genre c'est comme les lignes de son nez qui font sa moustache. Ah, oh, c'est comme du poil de nez, sa moustache. Genre, ça paraît pas dans les photos, là. Mais donc, il voulait qu'il y ait comme une séparation entre les cheveux et la moustache, et non pas qu'il ait l'air d'avoir un genre de casque cheveux-moustache. Ouais. Donc, en tout cas, ils disent que c'est pour ça. On parle maintenant de Mega Man X6 sur PC et PlayStation. Le nom japonais de Metal Shark dans le jeu est en fait Metal Shark Prayer au lieu de Metal Shark Player. Au Japon. Son nom en anglais est la mauvaise traduction des R et des L, parce que, tu sais, en japonais, les R et les L sonnent pareil. R, L. Donc, la raison qu'il s'appelle Prayer, c'est parce que il ramène à la vie d'autres Mavericks, qui sont d'autres personnages dans ce jeu-là. Donc, c'est Sting, Chameleon, Magna Centipede et Blast Hornet. Donc, il prie pour les ramener, pour faire la résurrection, si on veut. Donc, c'est Prayer. Tout prayer. Simplement. Et donc, quand ils l'ont traduit aux États-Unis, le R sonnait comme un L. Player. Bref, c'est comme ça. Bizarre. Ensuite, Si on tape dans le jeu, sur les téléphones Android, si tu tapes sur le bouton Android Version dans la section à propos des paramètres du système, si tu le fais plusieurs fois, ça va te montrer une photo d'un jelly bean, d'un sandwich à la crème glacée, d'un honeycomb et d'un portrait de zombie. Donc, dépendant de ta version Android, ça a rapport avec le système d'exploitation. C'est drôle. C'est drôle quand même, donc jelly bean pour la version jelly bean d'Android. C'est cool. Ensuite, la compagnie Insomniac Games, dans le jeu Ratchet & Clank Going Commando, il y a un ennemi qui est mal programmé sur la planète Grelbin. L'ennemi s'appelle Snow Beast. L'ennemi a été programmé en 3 jours et a une animation pré-attaque trop courte, ce qui fait que c'est comme frustrant de se battre avec lui, surtout dans de grands groupes. La bête a été l'influence de ce qu'on appelle le Snow Beast Award, qui est un prix à l'interne donné chez Insomniac Games, dont on a mentionné le nom tantôt. Et il donne le prix à la personne qui a créé la pire chose qui a été mise dans un jeu et qui a été envoyée jusqu'en magasin. C'est le fun, ça. Parce que souvent, on va trouver le bug avant la fin, mais ça, c'est un bug qui s'est rendu jusqu'à la fin. C'est quand même pas pire. On dit que dans le jeu final, ces Snow Beasts-là s'appellent des Yetis. Donc, si vous cherchez la bête, c'est le Yeti qui est comme mal programmé et qui fait que c'est difficile de se battre contre lui. C'est Sasquatch. Sasquatch. On parle de la console Philips CD-i maintenant. Quand la Philips CD-i a été introduite en 1991, on ne l'annonçait pas comme une console de jeux vidéo, mais plutôt comme un produit multimédia pour faire la promotion du format CD. Ils ont tellement peu vendu de ces machines-là que Philips a essayé de la promouvoir comme console de jeux vidéo 3 ans plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on l'a renommée ou... En tout cas, nommé la Philips, je sais pas s'ils ont changé de nom, en fait, je sais pas. Philips CD-i. Donc, ils l'ont vendu comme console de jeux vidéo plus tard. Moi, ça me dit absolument rien. Non, ben, c'est ça. C'est ça rétro, a vraiment été flop. Ça a pas marqué tellement les gamers. Ensuite, on parle de Dishonored sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Dans le quartier général, dans une des boutiques, au 2e étage, il y a un gros ovale peint sur le mur. Et à l'extérieur de ce même mur-là, on peut trouver un 2e ovale. Et si on lit une note qui se trouve près du 1er ovale, ça révèle que le scientifique voulait les utiliser pour voyager sur de longues distances. C'est une référence à la série Portal, où t'avais des ronds dans les murs, orange et bleu, et que tu peux te téléporter de l'un à l'autre. Un jeu que j'adore d'ailleurs. Pour vrai, t'as joué? Ouais. Ça a l'air vraiment fun. Freak. C'est fucking pas mal comme jeu, j'aime ça. Maintenant, on revient à Ocarina of Time dont on parlait tantôt. Dans le jeu, on trouve des symboles qui ressemblent à un croissant de lune et une étoile. Ce symbole-là peut être trouvé sur des blocs, des genres de boutons sur les planchers et même sur des boucliers. Ce symbole-là a causé de la controverse parce que la lune et l'étoile ressemblent au symbole de l'islam. Donc, dans toutes les autres versions du jeu par après, ils ont changé ça pour un nouveau symbole que vous pouvez voir sur la photo sur assemblagerequis.com. Donc, ils ont changé ça pour un petit genre de tête de ninja à la place d'avoir la lune et l'étoile. Ça faisait trop islam. Dans Banjo-Kazooie au Nintendo 64, si tu mets trop de cheat, trop de codes triches illégaux dans le château de sable de Treasure Trove Cove, le personnage de Gruntilda va effacer ton fichier de sauvegarde et tout ça ne se passera pas avant que tu aies sauvegardé et quitté ou éteint la console. Donc, en fait, tu continues d'avancer. Ah, puis tu penses que tout va bien. Tu penses que ça va bien. Mais non, Gruntilda. Tu apprendras, petit tricheur. Ah, il y a des gens de même, les illégaux. Dans Bioshock Infinite, très récent comme jeu sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, les chuchotements que tu entends, est-ce que je vais avoir... Attends, est-ce qu'il y a un effet sonore à jouer là-dessus? Je crois que oui. Oh! Attention. J'étais pas prêt pour mes effets sonores, moi, là. Ouais, comme toujours. Pas ça comme passe, c'est inaperçu. Voilà. Donc, les chuchotements que tu entends quand tu utilises la possession Vigor. Dans le fond, c'est du dialogue qui vient de Roméo et Juliette, mais joué à l'envers, tu sais, Roméo et Juliette de Shakespeare, là. Shakespeare, tu connais ça? Donc, une version plus longue avec d'autres répliques additionnelles peut être retrouvée sur un extrait audio de la version PC de Bioshock Infinite. C'est ça, on utilise seulement une partie quand tu utilises le Possession Vigor dont je parlais. Là. Je connais pas tellement les affaires qu'il y a dans ce jeu-là, ça paraît pas mal. Là. Mais donc, si tout va bien, je devrais pouvoir vous faire jouer l'extrait ici, attention. Mm-hmm. Every one of those. It's just a whisper. All... C'est le genre de potion que... Quand tu bois ça. Là, on entend le chuchotement jouer normalement. C'est beau comme jeu, pareil. Attention, je pense que je vais juste avancer un petit peu dans la vidéo. When shall die, take him and cut him out in little stars. Back come. What the hell was that? What the hell was that? Eh, Colin, faut vraiment avoir des méchantes bonnes oreilles pour être capable. Quand même, hein? OK, le clip, on va le repasser ici, attention. À la fin, on s'y rend? Ou on s'y rend pas? Bref, la couleur. Siren. Siren? C'est une couleur, ça? Ouais. Ah, ou le Ashwinigan, le 6e rang. OK. Donc, toujours dans cette fait édition jeux vidéo. Difficile à entendre celui-là, mais retrouvez le lien sur assemblagerequis.com si vous voulez vous faire vous-même votre propre impression de ce texte de Shakespeare. On revient sur Mega Man 9 sur PlayStation 3, oui, Xbox 360. En fait, c'est pas le même Mega Man que tantôt, donc on n'y revient pas, on s'y rend. Hein? selon Capcom, il y a un secret que personne n'a encore découvert dans Mega Man 9. Encore aujourd'hui, là, après plusieurs années de sortie, il n'y a personne qui l'a trouvé. Capcom, on sait même pas s'ils disent la vérité. Ils disent qu'il y a un secret qui n'a pas encore été dévoilé. Donc, un jour, peut-être... Un genre de achievement? Peut-être, je sais pas s'il y a des achievements dans Mega Man, mais quelque chose comme ça, ça pourrait être... Ouais. Selon Nintendo, via une de leurs capsules Nintendo Direct, une de leurs annonces de l'année de Luigi, tu sais que c'est l'année de Luigi, il y a plusieurs jeux qui sortent avec Luigi, il va avoir une nouvelle version de New Super Mario Bros. U, une extension avec seulement Luigi qui va jouer. Donc, Mario et Luigi, on a appris cette année, donc, qu'ils sont jumeaux. Oh! On savait que c'est des frères, mais on savait pas que c'est des frères jumeaux. On savait que c'est des frères Mario, c'est un Mario et Luigi Mario, parce que Mario, c'est le nom de famille, c'est les frères Mario. Mm-hmm. Donc, ben, qu'ils soient jumeaux, c'est quand même nouveau, comme fait. Fait que là, il y en a un qui est vraiment intelligent, l'autre l'est moins. Ah, t'as le Evil Twin, puis le Good Twin, Bad Twin. Ouais. Fait que le film avec Louis-José Hood, donc c'est des policiers. Bad Cop, bon cop, bad cop. Ouais. On devrait avoir des bon Twin, Bad Twin. Ouais. On devrait faire ça, The Legend of Zelda Twilight Princess maintenant sur GameCube et Nintendo Wii. Donc la Twilight Princess, pas la Twilight Princess, le jeu Twilight Princess était supposé être une suite du jeu The Wind Waker. Une présentation par le réalisateur Eiji Aonuma contenait des références au titre de travail qui était The Wind Waker 2 et c'était supposé utiliser un style graphique similaire à The Wind Waker, celui qui était dessiné un petit peu comme un dessin animé. Mm-hmm. C'est très très enfantin comme look. Nintendo of America a dit à Aonuma que les ventes nord-américaines de The Wind Waker n'étaient pas très très bonnes. Surtout dû à l'apparence justement un petit peu trop enfantine, ça créait l'impression que c'était un jeu pour enfants. Donc ils se demandaient si la suite allait avoir le même problème. Aonuma a dit à Shigeru Miyamoto, le créateur de la série Zelda, qu'il voulait créer un jeu de Zelda réaliste qui fonctionnerait bien au marché nord-américain. Et c'est ce qui finalement a eu lieu. Et je pense que c'est tant mieux parce que ça a eu un beau gros succès. Oui, monsieur. On vient à Bioshock Infinite. Pendant les longs bouts sans musique dans le jeu, il y a une version extrêmement ralentie d'une chanson qui est jouée à l'arrière-plan. Et lorsqu'on l'accélère, on peut entendre des voix dans la chanson. Étant donné qu'on a eu des problèmes d'extrait tantôt, je ne le ferai pas jouer, mais allez-y. Parce que apparemment qu'il y a des paroles dans la chanson, mais tellement ralenti qu'on les entend pas. On les entend pas. Impressionnant. Impressionnant. Dans Minecraft, jeu très populaire en ce moment sur Android, iPhone, PC, Xbox 360, ce qu'on appelle, il y a des briques, c'est un jeu de construction, c'est un peu un genre de Lego. Donc la brique Bedrock, à l'origine, c'était supposé être de l'aluminium, parce que seulement les administrateurs du jeu avaient le droit d'utiliser cet article-là. Mais finalement, tout le monde peut l'utiliser, ils ont changé de nom pour Bedrock au lieu de aluminium. Mais c'était beau comme nom, aluminium. C'est cool. C'est très intelligent comme nom. On retourne à Zelda encore. J'aurais aimé ça que ce soit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Dans la bêta, la version test de Twilight Princess, le monde Twilight, parce que tu peux basculer entre plusieurs mondes, le monde Twilight était supposé être en noir et blanc. Et c'est un choix artistique qui a finalement pas été choisi pour la version finale, mais ça aurait été vraiment, vraiment cool. C'est cool. Les effets noir et blanc avec un petit peu de couleur dedans. Mm-hmm. Je trouve juste ça bien. Un personnage en couleur. J'aime bien. Les ennemis avaient l'air un petit peu orange dans ce cas-ci. Dans Mario Party sur Nintendo 64, il y a quelques mini-jeux qui ont été coupés, mais qui sont quand même dans les fichiers du jeu. Les jeux sont All or Nothing, Tour de Mario, Bungee Jump, Same Game et Yoshi's Tongue Meeting. Certains sont jouables et peuvent être accédés en utilisant un appareil Game Shark pour la Nintendo 64. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. RoboCop, maintenant, un jeu qui n'a pas eu un grand succès sur Game Boy à l'époque. Mais la chanson thème du jeu RoboCop sur Game Boy a plus tard été réutilisée dans une publicité pour les machines à laver Ariston au Royaume-Uni. Et ils ont couvert la chanson, enfin un groupe a couvert la chanson Chef Boyardi, c'est le nom du groupe, pour une vidéo sur YouTube. Et la version a plus tard été sourcée dans une autre chanson de Lil B, a.k.a. Based God, une chanson qui s'appelle In Down Bad. L'extrait est sur assemblagerequis.com, cliquez sur la source. Mais j'imagine que c'est parce que la chanson thème de RoboCop est sûrement dans une banque de sons quelque part. Ça n'a pas été écrit spécifiquement pour le jeu. Ça arrive, des chansons thèmes d'émissions de télé ou n'importe quoi. Un petit quelque chose. Quelque chose. C'est pas juste dans une banque que t'as payé quelques milliers de dollars puis tu réutilises tout ce que tu veux en 15, 30, 45, une minute, seconde. Dans Tetris sur la NES, quand tu joues à un jeu, tu peux choisir un jeu A, un jeu B dans Tetris, là, avec les différentes chansons et les différents niveaux de difficulté. Si tu joues à une partie en mode B, à la vitesse 9 et que tu te rends à la hauteur 5, ça va te montrer une séquence, ouais, une séquence de personnages de Nintendo en train de célébrer. Donc, il y a Mario, Luigi, la princesse Peach et Bowser dans Super Mario Bros., Donkey Kong, Link de Legend of Zelda, Pit de Kid Icarus et Samus de Metroid qui célèbrent lorsque tu te rends au niveau B. Tableau 9, rangé 5, compliqué un peu de s'y rendre. Ben c'est ça aussi. Moi, c'est des petites attentions que je trouve le fun dans des jeux. Des petites affaires qui arrivent, mais vraiment pas rapport. Un bonus. T'es content de voir ça. Tu fais comme youpi. Youhou! Je me suis rendu là. Je suis hot. Ouais. L'univers de Wario, les origines de Wario, en fait, sont jamais vraiment complètement explorées dans les jeux vidéo. Par contre, on a essayé d'explorer son histoire dans plusieurs bandes dessinées officiellement licenciées. Donc, la bande dessinée Super Mario Die Verderverlung, ce qui veut dire Super Mario The Transformation, ça montre Mario en train de se fusionner, ou en fait de se défusionner à partir de Mario, résultat d'une procédure par le docteur Light dans cette bande dessinée-là, pour soigner Mario qui est atteint de pixelisation. Donc, la bande dessinée, ensuite, Mario versus Wario montre que pendant sa jeunesse, Mario et Wario, lorsqu'ils jouaient ensemble, ce que ça faisait, c'est que Wario était finalement blessé ou humilié par Mario. Et apparemment, selon la bande dessinée, Mario était la cause de sa malchance à Wario. Donc, c'est ça. Ce qu'on comprend par le début de l'article ici, c'est que Wario serait une déformation, une défusion de Mario, alors que Luigi serait le frère jumeau de Mario. Et là, tu as Waluigi, qui est supposé être le cousin de Luigi. C'est compliqué. Est-ce que c'est aussi le cousin de Wario? On sait pas trop. On fait-tu un tableau? On devrait faire un organigramme de la corporation. La deuxième bande dessinée, une autre bande dessinée, Wario's Weihnachtsmarsch Martian, qui veut dire Wario's Christmas Tale. C'est une parodie de A Christmas Carol et ça montre des flashbacks où Wario et Mario étaient des bébés, construisaient des châteaux de sable, mais parce que Wario était méchant avec tout le monde, Mario recevait toute l'attention. Donc, tu vois, il y a des détails qui sont comme un petit peu flous comme ça. C'est des bandes dessinées qui sont pourtant sous licence de Nintendo, même si Nintendo, on dirait qu'ils les considèrent pas dans leurs histoires quand ils font des jeux vidéo. D'ailleurs, faut rappeler aussi que Wario est déjà apparu en tant que bébé dans Yoshi's Island de DS avec Donkey Kong et avec la princesse Peach. Tous des personnages qui, dans le fond, n'auraient pas dû avoir le même âge au même moment et ne devraient pas nécessairement être ensemble parce que, en tout cas, mais c'est un petit peu bizarre comme histoire. Mais bon. Il y a certaines copies du jeu Splinter Cell sur GameCube, PC, PlayStation 2 et Xbox qui ont une faute d'orthographe sur le côté. C'est Tom Clancy's Splinter TR à la fin. S-P-L-I-N-E-T-R au lieu de N-T-E-R. Cell. C'est joli. Et parlant de faute d'orthographe sur la version 3DS de Resident Evil Revelations, la version originale du jeu montrait le titre Resident Evil Revelations, L-A-I-T-O-N-S au lieu de L-A-T-I-O-N-S. Oh! Hey, je veux dire, tu fais ça à des millions et des millions de copies, force-toi un peu. On va y aller avec des petits derniers juste à la fin ici. Je saute par-dessus les plus exhaustifs. Nintendo a fourni le soutien technique pour sa console NES, la Nintendo originale, pendant plus de 24 ans. Tellement c'était populaire. 24 ans. La sensor bar sur la Wii que tu mets sur ta télé pour ta manette. Ouais, puis des fois, ça tombe tout le temps. Ça tombe tout le temps parce que c'est trop léger. Il faudrait être à la colle. Là, tu peux pas changer de TV si t'es à la colle. Donc, la Wii Sensor Bar, en fait, même si elle s'appelle Sensor Bar, elle ne sense rien du tout parce que ça émet de la lumière infrarouge pour que la manette puisse, elle, voir ce signal-là. Donc, c'est pas un sensor, c'est un émetteur. Si on veut. Émetteur bar. Coup de théâtre. Oui, tout à fait. La petite captation. Mm-hmm. Ouais, c'est un fait édition jeu vidéo. Il en reste pas mal, mais je les ferai une autre prochaine fois. Une autre prochaine fois. On retourne en musique, on s'en va entendre Thomas Darcy et Wake Up Every Day. Et qu'est-ce que t'en penses si après la pause, on accueille Maxime Bilodeau? Oh, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Un petit animal de compagnie. Ben oui. C'est ça qu'on va parler, les petits animaux. D'après moi, ça va être bestial. Oui. Arr! Arr! C'est quoi ton animal préféré? Le furet. Le furet. C'est pas vrai. OK. Moi, je suis un gars de chien. Les gros chiens. Gros chien. Ouais. Furet, j'aurais pu partir sur des raies ou des... Ouais. Non, le poisson. Plate, hein? le poisson, pas. Le poisson. Oui, oui. Pas une raie comme. L'arrêt de la raie. Ben non. Ben non. Hey. Toi, c'est quoi ton aliment? Petit chat. Un petit milieu chat. Ouais? Wow. OK. Simple demain. Pas un gars compliqué. Non. I wake up every day. A glass of water and a pill for my headache. Everything Au retour, on reçoit un chroniqueur opéré et dégriffé tout le kit. On a ça à vendre pas cher. Mais ô combien bestial. Ah oui, bestial, mais apprivoisable assez facilement. Oui. Maxime Bilodeau. Et d'une foulée à l'autre, sormi après la pause. C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Il est 7h33, Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Il est là. Ouais, c'est ça. Puis Maxime Bilodeau. Moi, Tarzan. Toi, Jane. Hey, j'ai caché ma pizza de Pizza Hut que j'ai reçue dans mon courriel. J'ai un jour de savoir ça. On dirait que le jeudi est la journée où on reçoit des affaires. Jean-Philippe, c'était des pop-up de porn, des porn pop. Des porn pop. Ouais. C'est comme des corn pops, mais c'est des porn pops, ouais, c'est ça? Mais c'était de la poutine, fait, c'est des poutines porn pops. On commence à faire des combinaisons. Des triple P. Moi, là, c'était une pizza, OK, sur du pain à l'ail que je viens de recevoir dans mes courriels. En tout cas. Moi, je pense qu'il y a une conspiration derrière ça. Ouais. D'après moi, ils savent que jeudi, là, on a un point faible. Mais McCain est là-dedans, quelque part. Au moins, tu vois, on a quelqu'un de sage comme toi pour nous remettre sur le droit chemin. Oh, bien sûr. Oui. Donc, faut pas nous laisser tomber. On peut changer. Je fais jamais de bêtises, moi, voyons. C'est d'une foulée à l'autre. Oh oui, j'en parlais. C'est tout. L'arche est partie, là. On parle d'animaux de compagnie. Ouais, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une chronique bestiale aujourd'hui. Oui. Mathieu, il y a comme un terme. Mathieu, Noé, plante. Noé, oui. Plante. Oui, I know. Tu vas partir avec tous tes animaux. Dieu doit être proche. Ah oui. Écoute. Parle-moi pas là-dessus. Quand on parle de Noé, on parle tout le temps de Dieu. Il est partout, lui. C'est pareil. Pareil. Donc, nos amis les animaux, aujourd'hui, grosse chronique bestiale, ou ce que nous pouvons apprendre les animaux dans un contexte de sport. Ah, okay. Parce que oui, il y a plein de parallèles à faire. Vous allez tous voir ça. J'ai fait une belle compilation d'exemples qui vont tous au-delà du simple comparatif règne animal versus humain. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? Probablement que vous en avez déjà entendu parler. Je me souviens qu'aux Jeux olympiques l'année passée, à Londres, on avait eu... un scientifique qui avait publié un papier qui faisait une comparaison entre les êtres humains et les animaux. Et là, il comparait en absolu les performances humaines versus les animaux. Et il faisait une conclusion que, Usain Bolt, il court à peine plus vite que des chameaux. Ah. On n'est pas très, très bon pour lever des poids, puis etc., etc., etc. On saute pas loin, on saute pas haut. Bref, l'être humain est un peu failuet. Tu sais, la fourmi lève 1000 fois son poids. C'est vrai. Es-tu capable de faire ça? Non, pas capable de soulever. Effectivement, c'était de la science très robuste. Mes bras. C'était de la science très robuste. Encore un PhD, probablement. Donc, c'est moi, en fait, j'allais au-delà de cette simple comparaison-là. J'essayais d'aller gratter, d'aller dans un peu plus spécialisé. Tu vas toujours au-delà de la pertinence. Un peu plus sketchy ou pertinence, voilà le mot. T'élèves encore plus la barre à chaque fois. On a l'air vraiment en poche par comparaison. Et voilà, élever la barre, saut en hauteur, animaux, tout est dans c'est tout. C'est ce que je voulais faire. C'est bon. Donc, aujourd'hui, là, mon objectif, c'est un peu de nous aider à comprendre par rapport aux animaux, comprendre nos propres limites en tant qu'être humain, nos propres forces et, dans certains cas, un peu nos propres dérives ou plutôt nos propres conneries, parce que des fois, on en fait ou des choses dans le sport qu'on fait qui n'ont pas rapport, mais vraiment pas pantoute, et qu'on peut apprendre de ça de la nature. Donc, sans plus tarder, on va commencer et tout simplement faire une petite mise en contexte au tout début en parlant de nos gènes et de un peu d'évolution. Donc, l'Homo sapiens, grosso modo, on a plus de 21 000 gènes, ça dépend des comptes et des papiers auxquels on se fie, avec une variabilité de 0,5%. Ce qui veut dire qu'à peu près, on a 105 gènes qui nous différencie tous les uns des autres dans notre génome. Ouais, là, tu me gênes. C'était facile. Comparé au génome des animaux, admettons, aux chimpanzés, ben, les chimpanzés, ils ont 96 à 98% de leur génome qui est semblable à celui de l'être humain. Chez les chats, on va en parler des chats, bien sûr, il fallait que j'en parle au moins une fois. Les préférés. Deuxième préféré derrière... Certaines autres espèces. Sans partout. Je pense aux étudiants en ce moment qui sont en fin de session. Étudiantes. On ne fait pas de discrimination là-dessus. Qui sont sur Facebook, qui sont en train justement de regarder des photos de chats et qui perdent leur temps parce que c'est tout le temps ça, fin de session, ça finit tout le temps avec des chats. De chat. Il n'y a pas ça sur Facebook par contre. Pas ça sur Facebook, non, malheureusement. Donc 90% de notre génome qui serait comme avec celui des chats. Excuse-moi, Max. Non, je te pardonne. 85% chez les souris, 80% chez les vaches. Donc tout ça pour dire qu'on a un bagage génétique qui peut être commun à celui des animaux, dans ce dire qu'à quelque part, on aurait un très très très lointain ancêtre, on est tous un peu de la même famille. Là ici, vous m'excuserez, je suis pas généticien ni rien, je dis peut-être des choses qui sont grossières aux oreilles de certains auditeurs, mais grosso modo, c'est un peu l'idée que je veux emmener derrière ça. Donc, qu'est-ce qui nous différencie en fin de compte si le chimpanzé a 96 à 98% de son génome qui est semblable à nous? Qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas des arbres et qu'eux ne sont pas en complet cravate et qu'ils ne vont pas travailler le matin? C'est une belle image. C'est une belle question à se poser. Donc, en fait, c'est l'évolution. C'est vraiment ça qui nous a différenciés. Donc, ici, insérer tout ce qui est référence au darwinisme, néo-darwinisme et compagnie. Donc, transmission des gènes d'une génération à l'autre, et ce qui fait que les gènes qui nous aident à nous... À survivre, à nous reproduire et tout et tout, sont transmis. Ceux qui sont plus faibles, qui ont un peu les mauvais gènes, en parenthèse, sont écartés par la sélection naturelle, tout simplement. Donc, tout ça a fait que, à quelque part, ben, les baleines, on n'est pas comme des baleines, on n'est pas comme des chimpanzés, on n'est pas comme des chats. On est une espèce bien à nous qui a évolué d'une certaine manière. Donc, qui s'est propagée dans un environnement et tout. Donc, tout ça pour finalement arriver à l'idée que je veux vraiment cibler, c'est que ce qui nous fait notre force à nous, les êtres humains, c'est vraiment pas notre potentiel athlétique. Comparé aux animaux, ça revient un peu à l'étude que je disais, le fameux PAG qui fait des comparaisons entre Usain Bolt et les chameaux. Tout simplement pour dire que le potentiel athlétique chez l'être humain est très limité. Ce qui fait notre force à nous, c'est notre gros cerveau, c'est notre capacité à réfléchir, c'est notre capacité à s'adapter. Non, mais encore là, ça revient à, le corps s'adapte, j'y reviens tout le temps. Capacité d'utiliser des outils, etc., etc., d'interagir en société, d'interagir avec les autres, nos semblables dans notre espèce. Donc, c'est vraiment ça qui fait que nous, on se différencie des animaux. Donc, essayer de faire une comparaison entre des animaux et les êtres humains au point de vue du potentiel athlétique, c'est bien sûr qu'on va tout le temps être perdant parce qu'on n'est pas fait pour ça. Mm-hmm. Tout simplement. Donc, ceci étant dit, maintenant je me lance dans ma compilation d'exemples qui sont tous plus fun les uns que les autres. Donc, le premier, en fait, c'est qu'est-ce que les dindes peuvent nous apprendre de notre santé osseuse? Les dindes. Oui, qu'est-ce que les dindes peuvent... En fait, les dindes, quand on y songe, c'est un des rares animaux qui est un bipède comme nous. Les dindes, ça vole, oui, sauf que la plupart du temps, ça passe la majorité de son temps debout à rien faire. Sur deux pattes, à rien faire. Donc, quand on veut étudier l'impact quand on veut étudier sur un modèle animal qui n'est pas un être humain, le fait d'être bipède, ben, on peut prendre la dinde, qui est un relativement bon modèle parce que c'est un des rares animaux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des plateformes. Que vous avez déjà vu ça, des plateformes vibratoires, genre pour se tonifier, tourner et tout, là, qui ont été faites, qui ont pris des dindes, qu'ils ont placées là-dessus, okay. Puis qui ont regardé l'effet que ça pouvait faire, justement, au niveau de la santé osseuse. Parce que c'était intéressant à faire pour ça. Quand tu traites une fille de dinde, tu la traites juste de personne stable, ces deux pattes. Ouais. C'est ça. Finalement, ils ont vu aussi que les vibrations, ça attendrissait la viande. Oui. Si tu sors la sauce, là, puis. Je vais vous en parler de la viande tantôt, d'ailleurs. Donc, dans le fond, c'est quoi la vie d'une dinde quand il songe? C'est être debout. Être sur ses deux plates, donc rien faire, marcher tranquillement, être peno. Et une fois de temps à autre, s'envoler. Donc, il pique un envol. On sait que les dindes, ça vole pas, c'est pas des oiseaux migrateurs. Là. Ça pique un envol, puis ça va s'attirer plus loin, une fois de temps à autre. Donc, c'est grosso modo, là, c'est ça leur vie, eux, dindes. Debout, je m'envole, une fois de temps à autre. Donc, ça ici, j'aimerais que vous fassiez un parallèle entre, dans le fond, qu'est-ce que ça peut faire au niveau osseux dans leurs pattes au niveau des dindes. Quand ils sont debout et qu'ils font juste marcher tranquillement, voyez ça comme un stress qui est continu, mais de très faible impact, de très faible amplitude. Donc ça, c'est pas sollicitant pour les autres, ils seront pas de fractures osseuses en faisant ça. C'est tout à fait normal. Par contre, en s'envolant, souvent, les dindes, quand ils vont ratterrir, ils vont avoir un impact au niveau de l'os qui, lui, va être plus élevé. Oui. Comme le saut. Et voilà. Hein? Tu le vois venir? Ah ouais, ouais. Exactement. Donc, ça fait, c'est un stress élevé de grand impact. Donc, au niveau osseux, c'est là que les fractures peuvent se faire. C'est là que le dommage tissulaire, dans le fond, de l'os peut se faire. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'os pour ça? Simplement pour dire qu'on a dans les os des ce qu'on appelle des ostéoblastes et des ostéoclastes, qui sont tout simplement des cellules qui agissent juste simplement au niveau histologique, donc cellulaire, pour faire la résorption et la formation de la trame osseuse. Donc, maintenant, mettez ça en parallèle avec ce que je vous ai dit sous les dents. Donc, le stress continu, le stress d'impact, l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes va varier selon, justement, le stress qu'on va appliquer à l'os. Ça, cette loi-là, dans le fond, que l'os va se former différemment selon le stress qu'on applique. On appelle ça la loi de Wolff. C'est une loi qui s'applique justement chez l'être humain. C'est là que le parallèle que je vais emmener, c'est que chez l'être humain, puis chez tous les autres animaux à peu près, qui ont des os et qui répondent à cette loi-là, c'est qu'un stress continu de faible amplitude, on ne sera jamais blessé avec ça. Donc, prenez un exemple, je marche dans la rue, je fais un petit jogging tranquille qui est penaud et qui est sous contrôle, et etc., etc., je ne me blesserai jamais. Par contre, dès que je me mets à faire des sauts, dès que je me mets à courir à très, très grande vitesse, des grandes forces d'impact, c'est là que le stress au niveau de l'os va être assez significatif pour causer un dommage à l'os. Ou jouer au basket. Kevin Ware et son os. Mais son fameux os. Ah, vous voyez, effectivement. On en parle tout le temps, mais oui. On y revient tout le temps. Donc, tout ça pour dire justement que ça met bien en lumière cette loi, justement, qu'au niveau de l'os, que l'os répond à un stress d'une façon différente, dépendamment du stress. Donc, ici, on peut retenir justement cette loi-là. On peut retenir également que le meilleur moyen d'attraper une dinde, c'est tout le temps de la faire courir, de la faire s'envoler. Parce qu'une dinde, ça se fatigue très vite à force de s'envoler. Elle t'ouvre la canne, puis elle rentre dedans. Canne dedans. Comme le faux. Comme un Pokéball. Tout le faux. On les attrape tous. Bon. Donc, ça, c'était pour les dents et la santé osseuse. Maintenant, ce que les oies peuvent nous apprendre sur plusieurs sports comme le cyclisme ou la course à pied. En fait, c'est les oies et leur formation en V. C'est surtout ça que je veux. OK, vitesse grand V. Vitesse grand V, on en voit actuellement. Si vous allez à Baie-du-Fèvre, il y en a une et une autre. Dans le fond, c'est des oiseaux migrateurs. Ici, je ne parlerai pas de, comme dans un jeu de puissance, vous avez connu ça, un film de hockey avec des jeunes dedans, c'était les Mighty Ducks, puis ils faisaient les coins-coins. Ouais, c'était pas juste les Mighty Ducks. Les Mighty Ducks, peu importe. En tout cas, mais à un moment donné, ils faisaient comme une sorte de formation trop mongole en V, puis lui, ils comptaient tout le temps. Là. Ouais. Ben ça, je vous en parlerai pas de ça, ça a aucun fondement scientifique. C'est pas que j'ai pas enquêté, là, mais aucun fondement scientifique. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font que les oies adoptent la formation en V? C'est tout simplement qu'ils profitent de cette manière-là d'un effet qui permet de économiser. Donc là, ça, c'est comme le gros bon sens qui parle. Sauf que qu'est-ce que cet effet-là? C'est que derrière chaque battement d'ailes, à chaque fois que les oies font un battement d'ailes, il y a comme un vortex qui se crée. Ce qu'on appelle ça un tourbillon, ici j'ai été chercher des beaux termes, tourbillons marginaux, et qui sont justement dus au battement des ailes des oiseaux migrateurs. Puis c'est comme une zone où la turbulence est moins élevée, et quand tu te mets dans cette zone-là, ben tu forces moins. Tu as à moins vaincre la résistance de l'air pour pouvoir justement avancer. Donc c'est pour ça que les oies font. Dans le fond, quand on regarde une formation en V d'oies, le seul qui force à plein, c'est celui-là qui est en avant. Tout le reste économise de l'énergie jusque derrière. Donc, à un moment donné, il y a comme un relais qui se fait, que celui-là en avant va finir par céder sa place à quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais c'est comme ça qu'il arrive à justement s'économiser sur de très longues distances, les oies. Donc, c'est un moyen que la nature a mis en place justement pour ça. Donc, c'est comme un moyen justement de vaincre la résistance du vent, puis un moyen également de travailler en équipe. Donc, où est le parallèle que je veux faire? Eh bien, c'est un parallèle très simple. En cyclisme, quand on voit des grands pelotons de cyclistes sur route qui sont comme 200, puis qu'ils se donnent des relais et tout, c'est exactement la même logique, dans le sens qu'ils se mettent derrière d'autres cyclistes, où il y a justement une zone où la turbulence est moindre, où ils s'économisent. Donc, c'est tout simple comme moyen. Impressionnant. En fait, j'ai trouvé des chiffres sur Internet qui sont très intéressants. Quand on suit un seul cycliste à 32 km/h, on économise 18%, plus ou moins 11% d'énergie en faisant ça. Donc, l'énergie est mesurée ici au niveau de la consommation d'oxygène. À 40 km/h, quand on suit un seul cycliste, c'est 27% d'énergie qui est économisée. Donc, on commence à parler quelque chose de substantiel. Mais il faut se rendre à ce kilomètre-là. Ben ouais, effectivement. C'est vite, quand tu as un basic en carbone de 5000$ sous les jambes. Ça paraît pas, mais on atteint relativement facilement cette vitesse-là. Quand on suit 8 cyclistes à 40 km/h puis qu'on est le dernier derrière, on économise 39%, plus ou moins 6% d'énergie. un véhicule à 40 km/h, quand mettons on se met derrière un char puis on décide de se conduire à 40 km/h, à vos risques et périls, c'est 62% de l'économie qui est économisée. Donc on se rend compte que plus qu'on est couvert, justement, plus qu'on est capable d'aller chercher cet effet-là qui est très très intéressant, surtout en cycliste sur route. C'est un cycliste seul à 50 km/h, ça fait pas très très long feu. Trois cyclistes ensemble à 50 km/h, ben là c'est justement c'est plus facile pour cette raison-là. Donc vous imaginez des fois comment ils font des moyennes de Mongols sur le Tour de France. c'est en partie dû à cet effet-là. Grâce à ça. Et voilà. Puis ça donne droit aussi aux fameuses vidéos où il y en a un qui se plante, là tout le monde ouais, se plante. Ouais, ça c'est la partie moins le fun de la dynamique de peloton en fait, parce que effectivement, si quelqu'un tombe, tout le monde tombe. Quoi que ça fait tout le temps des best-of de vidéos. Puis ouais. on se pogne la face, on fait ça fait mal. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se rasent des cyclistes, les jambes. Aérodynamique. Aérodynamique, mais c'est surtout parce que quand tu tombes, ben tu finis par tromper les jambes, ce qui est tout à fait normal à un moment donné. Tu frottes sur l'asphalte. Mais quand ça gale puis ça revient après ça, si t'as du poil qui rentre là-dedans, c'est pas très très amusant. Donc c'est pour ça justement qu'ils se rasent les jambes les cyclistes. Une des raisons. Il y a aussi pour les massages, aussi pour l'aérodynamique, puis aussi parce que tout le monde le fait, donc ils font. Faites le don, et oui. Voilà. Donc il y a un peu des suiveux. Autre sport où on trouve cet effet de peloton-là, c'est la course à pied. C'est un peu moins élaboré, c'est un peu moins significatif parce que les vitesses sont moindres. Par contre, on peut aller chercher quand même un effet qui est intéressant. Sauf que dans les sprints puis les moyennes distances où ça se court très rapidement, c'est mieux que dans les longues distances comme le marathon où c'est très insignifiant, à part quand on est un Kenyan puis on court à peu près en 20 km/h de moyenne. Oui, 20 km juste de moyenne. Kenyans. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste les Kenyans qui peuvent faire ça. Il y a quelques blancs, ici je mets ça en parenthèse, là, en guillemets, mais il y a quelques blancs qui sont capables de faire, mais curieusement, la plupart, je dirais peut-être 60-70% des meilleurs temps au monde qui se rapprochent du 2h10, 2h05, ce sont des Kenyans. Yep. C'est une vraie pépinière, ben, des Kenyans ou des Africains qui ont tous le même profil, le même background, qui habitent tous en hauteur, qui courent tous depuis qu'ils sont jeunes, etc. etc. Ouais, ouais, c'est donc c'est un peu tout le temps la même formule, si on veut. Donc, ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que la zone optimale pour justement profiter de cet effet d'aspiration-là, pour s'économiser, c'est à peu près être à 1 mètre et moins derrière l'obstacle qu'on suit. Et là, c'est de varier un peu selon la vitesse du vent, donc s'il vient de latéral, s'il vient de frontal, etc. Donc, voilà pour les oies. Maintenant, ce que les furets peuvent nous apprendre sur l'euphorie du coureur. Furet, c'est l'image de Jean-Philippe, il a dit que c'était son préféré. C'est ouais, ben, j'ai dit ça comme ça parce que je trouvais ça drôle. Non, c'était vrai, tu voulais dire. Ah, excuse-moi. Ok, c'est bon, c'était vrai. Moi, je crois Mathieu. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'euphorie du coureur? Qu'est-ce que l'euphorie du coureur? C'est quand il y a les endorphines qui embarquent après qu'on ait couru longtemps une certaine intensité, puis qu'on se sent bien, puis qu'on se sent. Moi, tu vois, c'est le mal de tête, mal de pied, mal de dos que j'ai après avoir couru. Ok. Ça, c'est l'effet du paresseux que j'ai jamais rien fait avant, c'est ça? Peut-être. Okay. Non. Je vais mettre un mot dessus. On va faire une étude, effectivement. Il faut nommer les choses. Donc, qu'est-ce que le furet nous apprend vraiment sur l'euphorie du coureur? En fait, c'est que, comparément aux humains puis aux chiens, les furets, eux, n'ont jamais évolué comme des espèces endurantes, si on veut. Le furet n'est pas une espèce qui a couru dans son évolution beaucoup et qui, encore aujourd'hui, court beaucoup pour assurer sa subsistance. En fait, le furet, puisque c'est une petite le bête... Le père fourra dans Fort Boyard, qui ne reviendra d'ailleurs non, pas. Mais non, le père fourra. Ouais, non, il ne revient pas. Il est sauté en bas de sa fenêtre, j'imagine. Ouais. Si c'est un vrai père fourra qui était vieux de même puis qui était décrépit de même, je comprends qu'il ne serait pas ramené. Ah, c'est pour suivre le scénario vu qu'il était vieux, il peut pas possiblement être de retour. Ben, il a aussi probablement pitché sa clé. Il s'est rendu compte que c'était la clé qui venait de... Fait qu'il a fait « Oh non, faut que je la retrouve. » Là, ça. Il est parti. Non. Effectivement. C'est tout est dans tout. Ouais. Furet, donc. Donc, le furet, oui, on revient au furet. Furet! Deux fois! Oh yeah! Strike! Donc, ouais, c'est ça. Ils ont pas évolué comme des espèces qui couraient beaucoup. Donc, ils n'ont jamais développé les mécanismes d'endorphines pour pouvoir avoir un peu l'effet de récompense. Ça. Comparément aux humains et aux chiens, parce qu'il y a il y a du monde qui ont testé ça. Chez les humains et les chiens, quand on les fait courir à une certaine intensité, à une certaine durée, ben eux, ils sécrètent des endorphines. Donc, est-ce que les endorphines ne seraient pas un peu un mécanisme récompense pour pouvoir encourager, justement, la course à pied, la course en endurance, pour, justement, s'adapter dans une perspective évolutionniste, si on veut. Donc, c'est une question qui peut être soulevée et qui est très intéressante, qui n'a malheureusement pas encore de réponse, mais c'est justement pour dire que les furets, parce qu'ils n'ont pas de sécrétion d'endorphines, ben, ils nous en disent beaucoup justement sur nous les humains qui en avons en courant. Donc, soyons soyons reconnaissants, parce que dans le fond, les furets, leur vie, là, c'est de dormir 16-18 heures par jour dans leur petit trou. C'est assez dull, en fait, comme vie. Mm-hmm. Et poser des énigmes. Et non, poser, ça, c'est le fourreur. Ouais, voilà, voilà. Peut-être qu'ils vont le remplacer par un furet. Pas fou, furet. Ça serait très drôle. Donc, prochaine L'aigle noir de Marie-Carmen. L'aigle noir. Non, c'est tu peux le mettre après si tu veux. Ça peut faire, ça peut rentrer dans le cadre. C'est la toune ou moi, Mathieu. Ultimatum ici à Assemblage Requis. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la viande animale et sur les muscles, justement à partir des animaux? Parce que, dans le fond, je vais vous poser la question, c'est quoi qu'on mange quand on mange de la viande animale? Des protéines. Moi? Des protéines, mais quelle partie de l'animal qu'on mange? Poitrine. Ouais, les cuisses. Les côtes. Je vais tous vous en parler. Les côtes, oui, le V. En fait, mais toutes ces viandes-là, qu'est-ce que c'est? C'est des muscles. C'est juste tout simplement ça que je veux dire. C'est des. Fondamentalement, là, ici, vous allez peut-être me trouver un peu cannibale. Je vais dire, bon, mais je prends un être humain. Les parties qui sont comestibles et qui sont équivalentes à celles des êtres humains, c'est des muscles. Pourquoi ça serait cannibale? Je sais pas. Je suis en train de dire que si je mangeais un humain, je donne un scénario hypothétique de même, ça peut être mal compris. T'sais, quelqu'un qui vient de tourner sa. Qui vient de la radio. Que, si je mangeais un être humain, la partie que je mangerais, c'est des muscles. Mettons, toi, Jean-Philippe, je te mange. Mettons, là. Rôti de GP dans son jus. Ouh! À la broche. Avec toi. En fait, pour continuer l'analogie, non seulement quand on mange un animal, on mange ses muscles, mais ce que la peau d'un animal, qu'est-ce qu'on mange? C'est du tissu sous-cutané, dans le fond. C'est du gras sous-cutané, tout simplement. La panure, elle vient d'où là-dedans? La panure, ça, c'est shake and bake. C'est rajouté, ça. C'est le panko, et voilà. Donc, dans le fond, on mange des muscles. Ce qu'il faut comprendre, des muscles, ils sont essentiellement composés de fibres musculaires, je vous apprends rien, qui sont elles-mêmes à contraction lente ou à contraction rapide. Fondamentalement, c'est les deux types de fibres musculaires qu'il y a. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre les contractions lentes et rapides? Les contractions lentes, c'est les fibres qui sont réputées comme étant rouges, comme étant très, très vascularisées, voilà, qui sont bonnes pour faire un métabolisme aérobie, donc pour pouvoir fournir l'énergie de façon aérobie avec de l'oxygène, en présence d'oxygène. Pour faire un parallèle, mettons, je prends un poulet, je mange un poulet, ouais. Ça va être de la viande qu'on va dire que c'est de la viande brune. Donc, ça va être de la viande, justement, qui est située dans les cuisses, que le poulet se sert, justement, pour marcher beaucoup et qui est, justement, très, très vascularisée. Je prendrais une viande de castor, qui est un animal très, très, justement, quasiment uniquement composé de fibres de type lente. Ça serait une viande qui serait quasiment noire, tellement que ça serait brun, que ça serait genre cuisse de poulet fois 1000. C'est pour ça qu'ils font juste des queues de castor, ils font rien d'autre avec. Et voilà, et puis c'est pour ça que c'est... T'as tout compris. C'est fait de crème glacée, je pense, la queue d'un castor. Et voilà, et voilà. On va en nature, on prend une queue de castor puis on va la crème glacée dedans. C'est juste, c'est connu. J'achète ça. Donc, ça, c'est pour les fibres à contraction lente. Et pour les fibres à contraction rapide, on se rend compte que c'est des fibres qui sont plutôt blanches, qui sont faites pour produire de l'énergie très rapidement. On dit glycolytique, donc c'est métabolisme anaérobie et qui sont justement très très puissantes. Ce sont des fibres qui sont justement blanches. Donc si je reprends l'exemple de mon poulet, ça serait la poitrine de poulet là, qui est très très blanche, là, aucunement vascularisée. Ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut pas avoir. Elle est 100% glycolytique, 100% à contraction rapide. Et le poulet, pourquoi est 100% de même? C'est que le poulet, quand on le. D'élevage comme ça, c'est qu'on le dénerve. On coupe les nerfs pour pouvoir justement que ses muscles de la poitrine ne soient plus innervés, donc ne soient plus utilisés. Ce qui fait que, par la nature, toutes les fibres dans le poulet finissent par devenir des fibres à contraction rapide, des fibres blanches de même. Donc, c'est pour ça que le poulet est de même. C'est impossible dans la nature de trouver quelque chose d'équivalent à ça, parce que c'est. À moins que l'animal ait été blessé ou quelque chose, mais c'est impossible dans la nature de trouver c'est quelque chose de créé de toutes pièces. Et voilà. Et pour voilà. Notre bouche. Et voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la typologie musculaire, donc le pourcentage de lent, de rapide, varie selon l'anatomie du muscle, selon justement le type. Chez l'humain, ça serait le type d'athlète. Donc, un athlète marathonien n'aura pas la même typologie musculaire qu'un sprinter, tout simplement. Donc, tout simplement pour dire, dans le fond, que quand on mange une viande animale, ben, on peut beaucoup apprendre sur comment l'animal a vécu, justement, avec le type de viande dont il est dedans. Une viande qui vient de la nature, probablement, qui va être une viande qui va être plus goûteuse, qui va être plus, justement, vascularisée, qui va être plus rough, justement, à cause justement que l'animal a forcé d'une façon quotidienne, a été dans la nature, a bougé tout le temps beaucoup, comparément à une viande d'élevage où ils sont nourris aux hormones et tout, et qui sont... Je vous laisse faire le reste du discours. C'est le parallèle est là. Donc, prochain exemple, qu'est-ce que les baleines peuvent nous apprendre sur la plongée en apnée? C'était intéressant, c'est quand même. Ça se peut que je dise baleine, donc. Ouais, ça dépend des gens. Baleine, baleine. Je me forcer pour dire baleine et parler de mammifères. Donc. Tu dit quoi, mammifère? Mammifère. Non, maudit point que je viens, là, c'est difficile. C'est, ouais. C'est très facile, au contraire, d'avoir la bouche qui se. Ramolli. Ah, quel coin? Sur être assis. Baleine. Il y a beaucoup de baleines et de clôtures, là-bas. Donc, tout simplement pour dire que les baleines sont comme les comme les êtres humains et des mammifères. Donc, puisqu'elles sont comme des êtres humains, ils ont les mêmes systèmes. Donc, que par même système, ils ont également des poumons qui doivent également respirer. Ils doivent également consommer de l'oxygène. Donc, une baleine, quand ça plonge, c'est, en fait, c'est là le parallèle que je veux faire, c'est comme un être humain qui plonge, c'est juste qu'elle va durer plus longtemps parce qu'elle est adaptée justement à faire ça. Donc, elle a, elle aussi, besoin de revenir à un moment donné à la surface pour reprendre de l'air parce qu'elle pourrait tout aussi bien mourir au fond de l'océan si elle ne remonte pas. Mais qu'est-ce qui fait que finalement que la baleine est si bien adaptée à ça, en fait? C'est que quand on regarde la plongée en apnée, il y a comme plusieurs réalités qui sont imposées. Donc, il y a le fait justement qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau, je t'apprends rien. Quand on est en asphyxie, veut pas, une asphyxie qui s'installe de façon très très lente quand on est en dessous de l'eau. La pression ambiante, je vous en ai déjà parlé, mais dans l'océan, il y a une pression ambiante qui, à chaque 10 mètres, augmente de façon significative. En fait, c'est que à chaque 10 mètres, il y a comme une atmosphère de pression qui se rajoute. Donc, imaginez à 100 mètres, on a 10 atmosphères, à 200 mètres, on a 20 atmosphères. 200 mètres est à peu près le maximum que l'être humain est descendu. Donc, 20 atmosphères, c'est énorme. Mm-hmm. Ça, il faut s'imaginer que sur les organes qui sont pressurisés, qui ont des gaz dedans, ils sont fortement sollicités, ce qui fait qu'il peut y avoir des blessures qui se font à partir de ça. Il y a également le fait qu'il y a la flottabilité, donc notre fameux Archimède, il y a la poussée d'Archimède et tout. Là, on rentre dans des considérations autrement un peu plus compliquées, simplement pour dire qu'à un moment donné, il faut jouer avec la flottabilité quand on plonge et quand on remonte également à la surface. Donc, en fait, comme je l'ai dit, les baleines sont des plongeurs en apnée qui sont un peu hors pair parce qu'ils mettent justement en place des mécanismes extraordinaires. Donc, entre autres, ils ont une cage thoracique qui est ultra flexible. Donc, comparément à celle de l'être humain qui est très, très rigide, celle des baleines peut se compresser quasiment, je dis quasiment à l'infini, je ne sais pas, là, mais qui peut se compresser de façon extraordinaire. En fait, ils peuvent descendre jusqu'à 2500 à 3000 mètres avant de commencer probablement. C'est plus bas que des baleines ont été répertoriées qui sont allées. Donc c'est en fait là, c'est où les protozoaires et compagnie, là, les bébites où il fait noir puis qu'il n'y a pas de lumière, là, ben c'est eux, ils descendent jusque là puis ils peuvent facilement aller jusque là. Mais je me demande comment ils font, tu sais, mettons ils s'achètent une montre là, tu sais. Ouais. Comment ils font pour aller jusqu'à, parce que ça va pas jusqu'à cette profondeur-là, ces montres-là. Mmh. Fait que dans le fond, si tu me disais que les baleines ne peuvent pas avoir de monde, ils sont toujours en retard. Effectivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de baleines ici ce matin. On avait des invités. On avait lancé l'invitation. On les a invités, ils ne sont pas là, et voilà. Donc, ils sont également capables de faire de meilleures réserves en oxygène dans leurs muscles. Les baleines se sont adaptées à ça. Ils ont une capacité extraordinaire également à évacuer du CO2 et à stocker de l'oxygène. Donc, quand on les voit, les baleines qui sont à la surface, puis qui recrachent de l'eau, puis qu'on se demande ce qu'ils font. Puis, oui. Oh, regarde les belles baleines, c'est les seules fois qu'on les voit, en fait, quand ils sont à la surface. Qu'est-ce qu'ils font, en fait? C'est qu'ils font exactement la même affaire qu'un être humain fait avant lui de plonger. En fait, c'est qu'ils adoptent des techniques pour maximiser le volume d'oxygène dans son organisme. Donc, veux pas ce que. Tu sais, peut-être que vous avez déjà vu ça, des êtres humains, ça ressemble à des grenouilles quand ça fait ça. Ça s'appelle une technique qui s'appelle l'insufflation glossopharyngienne. Et c'est tout simplement le fait de pomper beaucoup d'air et d'essayer d'en magasiner le plus possible. Les baleines font exactement la même chose, sauf que c'est une façon avec un gros jet sur leur tête. Faites le parallèle, il est pas si éloigné de la réalité que ça. Donc, en bout de ligne, dans le fond, c'est ce qui leur permet de rester de 45 à 60 minutes sous l'eau. À la fois. Wow. Le record chez l'être humain en apnée statique, donc en bougeant pas et en faisant rien, est à peu près de 12 minutes. Aïe, 12 minutes! Donc, c'est quand même impressionnant. Ouais. Donc, c'est un être humain normal, au bout de 3 minutes, il arriverait ce qu'on appelle un blackout, dans le fond, c'est que le cerveau déconnecterait juste pour se protéger. Il reboot la Windows. Ouais, genre, c'est un excellent exemple. C'est comme la blue screen of death, ouais. Qui arrive, là, puis essayer de repartir le système. Donc, voilà pour ça. Et mon dernier point, ça tombe bien, justement, je finis. Qu'est-ce que les lions dans la nature nous apprennent sur les étirements? Les lions. Les lions. Oui, les lions. En fait, ici, là, c'est tout simplement, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà vu un lion s'étirer avant d'aller chasser? Non, mais tu sais, on voit les chats qui sont dans la même famille, tu sais, s'étirer, c'est que tout le temps. Ça a l'air mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est avant d'aller chasser? Non, c'est avant d'aller manger, c'est pas mal déjà mort. Donc, tout simplement, pour dire ici, puis c'est ma conclusion est très simple, c'est que faites comme les lions et ne vous étirez pas. Ça sert à rien de s'étirer avant d'aller courir, admettons. Tu sais, on voit des coureurs, des fois, avant d'aller courir, ils vont se pogner le quadriceps, puis ils vont se mettre la jambe derrière, puis ils vont faire des beaux étirements, où ils vont aller se toucher les orteils. Ça a l'air vrai, tu sais. Oui, voilà. Ça sert absolument à rien. Ben voyons donc. Même que vous allez réduire vos performances puis votre rendement à cause que vous faites cela. Donc, imitez les lions et ne vous étirez pas avant d'aller faire du sport. Ça sert à rien. Mais pour comment ça a commencé la mode de s'étirer avant? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas se tirer un muscle, quelque chose comme ça. C'est comme arrivé quelque part dans les années 70 à un monsieur qui s'appelle Bob Anderson qui a publié un livre sur les étirements et les bienfaits des étirements. Et puis là, la mode a suivi que tout le monde s'est mis à s'étirer. Ça est arrivé à peu près en même temps qu'il y a eu la première vague de coureurs dans les années 70-80 aux États-Unis et que c'est devenu très populaire de courir. Et puis là, c'est rentré dans le folklore collectif et ça n'a plus jamais sorti de là. Mais les études disent que la science dit que ça sert absolument à rien et que c'est même dommageable. Donc, ne faites pas comme les lions, ne vous étirez pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Excellent. C'est la chose que je vais retenir. Et voilà. Parce que des fois, ce qui est curieux quand on s'entraîne, c'est qu'on fait comme trop de choses. On veut trop bien faire et on en fait trop. Et ça tombe dans le registre du trop, justement. S'étirer, ça sert à rien. Wow! Avant, bien sûr. Après, c'est une autre question, mais avant. Tu t'étires après? Après, dépendamment. Mais là, c'est d'autres questions que je. Un autre, une prochaine chronique. Un autre. Il y en reste une. Ah oui, voilà. Oui, d'ailleurs, puis ça va terminer le tout. Ça va être une chronique où que je vais. C'est toutes ces chroniques qui n'auront jamais lieu. Non. Là, ça va être un florilège de sujets garoches à gauche, à droite. Déprimant. Soyez très attentifs ce matin-là. Prenez, arrivez avec 3-4 Red Bull encore là, parce que ça va aller vite. Là, j'en pitché. Il n'y a aucun moyen de te revoir dans le futur. On ne sait jamais. Ne jamais dire jamais, mais pour l'instant, ça va être ces chroniques qui n'auront jamais lieu. Et maudit. Merci, Maxime Bilodeau. Ça fait plaisir. C'est d'une foulée à l'autre. On te retrouve sur d'unefouleealautre.com. Effectivement. Page Facebook, Élucubration quotidienne. Ça fait. Ben, ça fait plaisir tout le temps. On aime ça. Merci énormément. C'était vraiment le fun. Bien, voilà. On va terminer l'heure, Jean-Philippe. Question d'accueillir Angie Durocher qui s'en vient avec son index tout à l'heure. Est-ce que t'as entendu parler de quoi elle va nous parler tantôt, toi, hein? Non. J'avais un doigt dans l'oreille. Ça, c'est sûr, pas. Bon. OK. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Après ça, Angie Durocher, François Landry avec le GoCast 601 et puis un paquet d'autres bonnes choses. Restez là. Ouais. Ça nous anime. C'est F-O-U 89 1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Jeudi 25 avril 2013, c'est toujours Assemblage requis. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Ah, il est Mathieu Plante. Oui, elle est Anne-Julie Durocher. Elle vient d'arriver. Bon matin. Ça va, bon matin. Heureux de te revoir comme tout le temps, comme toujours. Mais oui, j'étais pas là la semaine passée, mais là, je suis là. Et là, c'est Jasmine qui est pas là aujourd'hui. Mais oui, mais on n'était pas dû pour faire des chroniques ensemble cette session-ci. Je pense que ça arrive une fois. Ben au moins, vous manquez pas les deux en même temps. Ça fait pas une demi-heure à remplir. Mais tu sais, on n'est pas très fiable, par exemple. C'est ce que ça peut démontrer. j'aimerais ça pouvoir te contredire. Voici l'index de Julie. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Donc, Julie Durocher, aujourd'hui, on parle de théâtre pour faire changement. Ben oui, on va parler de théâtre. Ben, je vous en avais déjà parlé, je pense, à la session d'hiver. C'est rare. Ouais, en termes de pourcentage, mais que si on enlève les fois que t'étais pas là, peut-être que le pourcentage est plus élevé. En tout cas, le pourcentage va augmenter parce que pour ma dernière chronique, la semaine prochaine, je vais vous parler aussi de théâtre. Cool. Hein? Pas trop vite, toi, là. On n'est pas encore rendu à la semaine prochaine, ils sont peut-être pas là. C'est une blague. La Julie, c'est une blague. C'est d'amour, hein. On pine ceux qu'on aime. Oui, c'est ça. C'est bien connu. Oui. Donc, on s'amuse. Ben oui. Donc, ce matin, c'est ça, je viens vous parler de théâtre. Je viens vous parler, en fait, de la comédie Lieu commun, show de toilette, signée de François Archambault. Vous avez peut-être vu les affiches dans l'université. Les affiches fuckées, là, tu sais, ouais, noir et blanc. Elles sont vraiment belles, ouais. Je trouve. Je trouve, en tout cas, le monde en or, c'est pour des belles affiches. Ouais. C'est ce que j'ai à leur dire. Mais non, c'est ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais lu cette pièce de théâtre-là, mais je ne l'avais jamais vue. Mais là, en tout cas, elle va avoir lieu ce lundi, le 29 avril. Mais je viens quand même vous en parler pour vous encourager, en fait, à aller voir cette pièce de théâtre-là qui est offerte gratuitement. Donc, comme je l'ai dit, c'est la pièce de théâtre Lieu commun, show de toilette, signée de François Archambault. François Archambault est diplômé en écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada en 1993 et a complété un majeur en études françaises à l'Université de Montréal. Donc, le monde qui me dit « ça fait quoi le monde qui étudie en études françaises comme moi? » Ben, il y en a qui écrivent des billets de théâtre qui réussissent, tu sais. Donc, il a écrit entre 1989 et 1998 12 pièces de théâtre puis il a participé à 7 collectifs d'auteurs. La pièce dont je vous parle, Lieu commun, en fait, là, c'est une pièce québécoise à humour noir qui regroupe 13 scénettes, se voulant parfois, en fait, le sombrement réel et d'autres fois dans l'abstraction des fantasmes. Donc, c'est pas toujours conseillé aux âmes sensibles, mais c'est très, très drôle. En fait, là, comme j'ai dit, c'est 13 scénettes, donc c'est des tableaux. Un tableau, qu'est-ce que c'est? Là? C'est un endroit fixe où plusieurs personnages font leur apparition. Donc, c'est un dénominateur commun pour toute la pièce, en fait, là, où se déroule l'action. Donc, l'action se déroule, comme j'ai dit, dans la salle de bain, qui est une pièce, en fait, qui est rarement, sinon jamais, dans les décors des pièces de théâtre. Ben non. Ce qui est exceptionnel aussi, puis c'est ce qui rend aussi la pièce de théâtre aussi humoristique de voir justement une pièce de théâtre qui se déroule tout au long dans une salle de bain. Ça en passe des choses dans une salle de bain. Donc, c'est ça. Donc, l'auteur, en fait, a décidé d'explorer ce thème-là pour la première fois. Comme j'ai dit, bon, ben, c'est très rare qu'on voit une pièce de théâtre dans ces lieux-là. Donc, le texte va aborder, en fait, avec humour, plusieurs sujets qui sont tabous. Il va parler de sexe, de mort ou de déchets du corps. Oh. La pièce présente 25 personnages qui vont converger donc tous vers ce lieu commun. Pas en même temps, parce que ça rentre pas. Non, j'imagine. Pas ben, tous en même temps. Maintenant, il y a des grosses salles de bain. C'est vrai. C'est ça, hein? Ben, c'est ça, c'est pas la cabine de toilette. Là. On parle de salle de bain. Oui, la salle. Ouais. Où il y a un bain, sûrement, lavabo. Ouais. Ben, là, je sais pas comment ils vont monter leur décor, mais c'est la avec salle de toilette. Une vraie toilette, tu penses? Ah, peut-être. Ils ont sûrement trouvé une vraie toilette. Sûrement. Ben oui. Ah. C'est ça. Donc, les personnages, en fait, vont vivre des moments déterminants de leur vie. Entre autres, une mère va noyer son enfant dans son bain. Ah non, c'est pas nécessairement tout le temps drôle, hein? Non, mais c'est ça, je l'ai dit au début, ouais. Là. Mathieu, c'est pas toujours drôle. Suis. Une femme entend un tueur sous la douche en robe noire. En robe du soir. Et sûrement noir. Ouais, c'est ça. En satin. C'est satin. Alexandre veut faire l'amour dans les toilettes avec Florence, devenue allergique à ce lieu. OK. Antoinette voit la mort sortir de la cuvette pour venir chercher son mari qui se meurt du cancer. Aïe, aïe. Mandoline découvre que Pierre est incapable d'assumer sa nudité. La famille de Gilles apparaît dans son bain. Puis deux vieux s'accrochent à leur amour en dansant une dernière valse dans leur salle de bain. Ah, ça n'a pas l'air bon, ça. Ouais. Donc, voici, en fait, donc quelques humains qui luttent contre les mauvaises odeurs et la mort dans la salle de bain. Donc, comme j'ai dit, cette pièce de théâtre-là va être présentée ce lundi, le 29 avril, à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la Culture de Trois-Rivières à 20h. C'est présenté par les finissants et les finissantes en certificat en interprétation théâtrale de l'UQTR. Mais il est aussi important de préciser, en fait, là, que le travail important dans l'élaboration de cette pièce-là, c'est de plusieurs étudiants de d'autres départements, principalement en art, oui. Il y a, en fait, là, 16 comédiens, comédiennes qui vont être sur scène, Mais il y a, j'ai compté, je pense qu'il y a au-dessus d'une trentaine d'étudiants. Impliqués. Oui, c'est ça, impliqués dans toute la réalisation de cette pièce-là. C'est une pièce d'une durée de 2 heures. Donc, si vous avez déjà fini votre session, allez-y lundi pour célébrer votre fin de session. Puis sinon, ben prenez un temps off d'études pour y aller. Puis si vous n'avez pas d'études, ben allez-y juste tout simplement, c'est gratuit. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Premier arrivé, premier servi. OK. Il y a 250 places, si je ne me trompe pas. Quand même, OK. Fait que dépêchez-vous, arrivez tôt. Lorsque j'ai parlé avec une des comédiennes de cette pièce-là, elle m'a dit que dans l'après-midi, la répétition était ouverte à tous et c'était aussi gratuit. Des fois, ça peut être intéressant, c'est le monde qui sont intéressés par le théâtre, de voir comment ça se passe. Au-delà de la représentation. Je vous invite à y aller, mais je n'ai pas l'heure. Mais renseignez-vous, allez, il y a un événement Facebook, là, lieu commun, chaud de toilette entre parenthèses, puis allez poser la question là au pire. Génial. C'est lundi. Lundi, 20h. 29 avril. Merci, Anne-Julie Durocher. Bien, merci. Bonne suggestion. Je pensais y aller, puis finalement, ça me tente encore plus d'y aller. Ça. Mais tant mieux. Moi, j'aimerais vraiment ça y aller, mais j'ai des examens le lendemain, fait que je suis vraiment triste. Je viens de dire qu'il n'y a pas d'excuse, là. Non, ça va faire une belle pause. T'as besoin d'une pause dans ton étude, c'est normal. Ouais, ben, sinon, c'est ça, je vais voir. Ouais. Si je suis prêt pour l'examen, c'est ça, je vais. Parfait. On se retrouve sinon jeudi prochain à 8h. Oui. Pour l'entrée avec l'index. Oui. Tu vas être là? Ben oui. Fait qu'on fait ma dernière. Ouais, ouais. Ça va finir la GIE et tout ça, là. Fait que j'aurai pas de raison. Fuck la GIE. Non! Je vais faire frapper. Alors, merci encore. On se quitte avec une pièce musicale. Jean-Philippe, c'est toi qui l'as trouvé tantôt. C'est un petit peu en lien avec les animaux dont Maxime nous parlait avant. Ouais. Ça nous a c'est plus ça que je voulais, mais là, ouais, c'est ça. Ça sort contexte. Ouais, c'est ça. Donc, chose, la voici quand même. Non, mais elle est bonne pareil. Voici Wildcat de Ratatat tout de suite. À son âge requis. C'était Wildcat de Ratatat. À son âge requis. Bon Maxime Bilodeau. Oui, entre autres, mais on l'aime, cette chanson-là est bonne. Ouais. C'est rare qu'on joue du Ratatat depuis que François-Olivier est parti. Là. Je pense qu'on n'a pas rejoué une seule fois. Ah, oh, ben voilà. Joueuse. Ah oui? Ah, un souvenir. Oh. Parlant de souvenirs, j'ai reçu, c'est le moment de vider ma boîte Facebook. Parce que j'en reçois des petits liens des fois de mes amis Facebook. Puis ils me disent, hey, écoute ça, regarde ça. Là, je remets ça plus tard, Et là, c'est le moment d'en parler. J'ai reçu de, je crois que c'était de ta part, Jean-Philippe. La petite vidéo de Microsoft. Charles the 90s, c'était toi, ça. Pas oui. Pire, hein? Voyage nostalgique, oui, nostalgique dans le temps. Donc, ils viennent de sortir leur publicité pour Internet Explorer. Qui pourrait vous rappeler de nombreux souvenirs, surtout si vous êtes né entre 84 et 88. La publicité est en effet un retour dans le temps, bien avant les iPods, les Pog, les vilaines coupes de cheveux et Internet Explorer, bien sûr. L'idée est que si vous avez grandi, eux aussi, nous dit-on. Quoi qu'il en soit, cette publicité a un petit effet garanti. Elle est remplie d'émotions et de nostalgie. On repense au temps où l'accès à Internet faisait des bruits bizarres. Ah oui. Donc, écoutons-la, cette merveilleuse publicité de Microsoft, Child of the 90s. Écoute ça. Alors. You might not remember us. Peut-être que vous vous souvenez pas de nous autres. On s'est rencontrés dans les années 90. We là, c'est le bracelet qui snap. Y, as in yin yang. Si un collier yin yang. Un yo-yo. Un manteau fluo en arrière, évidemment. Life moved a little slower. C'est un modem 56K. Discs were square. Des disquettes. Desktop folders had personality. Des dossiers avec des petits chiens dessus. Extra un sac banane, il y en a encore aujourd'hui. There is only one social network. Gros ordinateur affreux. Là, on parle de réseau social. Mais c'était un jeu vidéo avec des personnages irréels. Un Tamagotchi. Until that died too. Bien sûr. But at least des trolls. Oui. Was still a friend. Lunch was a puzzle. Des biscuits, on aurait pas ça. You were pumping jam. Des lecteurs cassettes audio jaunes. Un fusil à eau, un soulier avec des pompes. On pouvait pomper les souliers par la languette. You were busy feeding. Le petit jeu avec des rhinocéros et des billes. Je pense qu'on n'a pas même soin. A haircut didn't cost. Coupe de cheveux bol. Évidemment. It cost four. Ah, c'est beau. Rasé sur le côté. Magnifique. You really had nothing to lose. C'était quoi, c'est une petite sacoche? Ah, c'est un portefeuille avec une chaîne. Oui. Unless of course. Les pogs. Les pogs. On en a déjà parlé ici. Vraiment. C'est épique. The future was bright. Ok, le futur était tellement intéressant. Il y a des souliers avec des petites lumières à ses côtés. Là. C'est aussi encore ça, ils ont ramené ça. Ils ramènent tout. C'est l'affaire, ils ramènent. Donc, Internet Explorer sur une Microsoft Surface. C'est le futur. Pas sûr. Pas sûr. Non, écoute, je suis pas très... Je suis pas vraiment d'accord non, avec ceux qui l'utilisent, Explorer. Explorer, là, c'est pour les losers! Mais l'annonce, je la trouvais très, très bonne. Très chouette. Et d'un côté, François Landry m'a envoyé aussi un lien que j'ai trouvé vraiment parfait et je voulais le partager avec vous et je voulais qu'on joue ensemble un peu. On va jouer ensemble. Est-ce qu'on commence avec François Landry? Oui, oui. Est-ce que tu as joué? Oui, j'ai joué. Je suis arrivé sur mon jeu. Parfait. Donc, on y va. On demande des questions. Vas-y. Est-ce que tu veux éviter d'utiliser ton cerveau? Oui. Oui. Est-ce que t'es, comment sont tes réflexes? Est-ce qu'ils sont irréels ou de la moyenne, genre moyen? Je dirais moyen. Moyen. Est-ce que tu veux pointer et cliquer, et ensuite cliquer? Non. Non, OK. Est-ce que tu veux le jeu le plus difficile de tous les temps? Non. Non, OK. Ben, tu vas jouer à Super Monkey Ball. Yeah! Yeah! C'est quoi ça? C'est le jeu où tu fais tourner une petite une boule de avec un singe dedans. Là. Oh, là, tu bouges ta console de jeu si y a cette façon-là, sinon avec les manettes. Non, c'était pas, t'es pas tombé non, sur ce jeu-là? Non, c'était pas sur celle-là. Je me suis peut-être fourvoyé dans mes réflexes. Faut utiliser les mêmes. Ben, si tes réflexes sont vraiment irréels et malades, est-ce que tu prends de la drogue? Non. OK. Est-ce que t'as l'impression que tu prends de la drogue des fois? Oui. Oui, OK. Donc, ça te mène vers Geometry Wars. Oh. Non plus? OK. Non plus. Jean-Philippe. Oui. Est-ce que tu veux éviter d'utiliser ton cerveau? Oui. Le plus possible? Oui. OK. Comment sont tes réflexes? Est-ce qu'ils sont vraiment moyens ou est-ce qu'ils sont vraiment spectaculaires? Spectaculaires. Est-ce que tu prends de la drogue? Tout le temps. Tout le temps. Tu vas jouer à Rez. Cool. Cool. OK, parfait. Anne-Julie? Oh, excuse-moi, Julie n'était pas ouvert. Je m'excuse, c'est ma faute. Quand je fais des gros signes de même, c'est ça que ça voulait dire? Ah, désolé. Donc, est-ce que tu veux éviter d'utiliser ton cerveau? Ouais. Ouais, tout le monde va répondre les mêmes réponses. Tes réflexes sont comment? Moyens ou vraiment fantastiques? Vraiment fantastiques. OK, est-ce que tu prends de la drogue? Non, jamais. OK, est-ce que tu as l'impression des fois de prendre de la drogue? Sûrement oui. Dis non parce que ça va être le même jeu que là. Okay. Non. Ton timing, est-ce qu'il est superbe ou moyen? Superbe. OK, est-ce que tu veux rocker? Ben oui. Mais tu vas jouer à Ikaruga. C'est quoi ça? Je sais pas. Mais d'autres jeux dans la liste, il y a entre autres Diablo, il y a Tetris, Lumines, qui est vraiment le fun, Braid, un petit jeu indépendant que j'adore, Miss Pac-Man, les Sims, des jeux de EA Sports, Super Smash Bros. Melee, et un paquet d'autres. Mais pour ça, il faut répondre différemment à chaque fois, sinon on ne peut pas faire tout le temps. Il y avait des jeux vraiment le fun, j'étais un peu déçu. Tu sais, j'ai pas un jeu que j'ai aucune idée, c'est quoi. Mais les trois, c'est ça qui est arrivé. Mais moi, hier, premier coup, je l'essaye, Gears of War. Gears of War. C'est mon jeu. Il faudrait suivre le chemin pour, à partir de la fin. Ouais. Mais j'étais déçu aussi quand Call of Duty. Oui. Il y avait un choix entre aimer les zombies ou non. Puis non, c'était Call of Duty. Alors qu'on sait que dans l'extension, tu peux jouer contre les zombies. Oui, tout à fait. J'étais déçu. Attends, mais comment ça, je me suis pas ramassé à la question aimes-tu les zombies? C'est clair que oui. Il a fallu que tu prennes la drogue. C'est à peu près ça. Tout commence par la drogue. Mais tu sais, si mettons, je réponds est-ce que je veux utiliser mon cerveau? Non. Est-ce que tu veux utiliser. Ouais, c'est ça. T'as un peu. Je pense que. Faut dire oui. Je pense qu'il fallait dire oui. Je pense que la question est plutôt est-ce que tu veux éviter d'utiliser trop ton cerveau? Tu vois, c'est dans l'autre bord. Mais tout est de ma faute encore, comme toujours. Comme toujours. C'est de ma faute. Mais bon. Si d'ailleurs, on cherche un nouvel animateur. Oui. Le poste est ouvert. Ouais. Ouais. Pas plus de détails que ça, sinon les gens vont postuler. On passe à une pause et puis on revient après avec François-André, ses chroniques Logocratie 101. Mm-hmm. Ça vous va, ça? Puis. Pour l'instant, on écoute de la musique. Finalement, c'est un gros ménage que tu avais à faire sur ton Facebook. Une chance, hein, ouais, c'est ça. Deux messages. Pas bien. Pas bien. En plus, j'ai l'image. Veux-tu avoir à éviter d'utiliser trop ton cerveau? C'était la question. Ouais, c'est compliqué, ça. C'est un peu compliqué. Ouais. En plus, la question est comme posée à l'envers. Pas ma faute. Ouais, écoute. Ouais. Tu dis français. C'est ça. Trop compliqué. On écoute Best Nerd Lace. We'll be right back. de Mr. Dex. Avec la pièce People of the Sticks, voilà. En passant, tantôt, on a fait le petit quiz de jeux vidéo que j'ai comme moffé, comme tout ce que je fais. Mais les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Si jamais vous voulez le faire vous-même, je ne l'avais pas dit tantôt. Donc, assemblagerequis.com. Après la pause, la chronique Logocratie 101 et une Macédoine de nouvelles en compagnie de François Landry. Restez là. Et là, jouez le bon truc. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau accueillent une foule de chroniqueurs pour parler de sujets qui vous intéressent. Art et spectacle, justice, technologie, cinéma, littérature, sexualité, sport, politique et beaucoup plus. Puis entre les malaises, il y a des petites affaires drôles aussi, hein? Oui, oui. Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On vous attend du lundi au jeudi de 7h à 9h à C'est fou! Radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Lundi à Assemblage requis. Ce sera notre dernière semaine de la saison. On la commencera en accueillant Simon Fitzbert avec sa chronique musicale Fitzbeat. Et Alexandre Carignan nous parlera d'art et spectacle dans le temps des cultures. C'est la dernière fois, les quatre derniers jours du matin d'Assemblage requis. Il en reste quatre. Ouais. Ça commence lundi, 7h. Ouais, parce que là, il y en reste 5. On a pas eu en ce moment, c'est vrai. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Quelle émission est-ce que c'est déjà ce qui joue là? C'est un... Parce que moi, j'ai juste entendu une pub qui d'Assemblage requis dans Assemblage requis. J'ai entendu l'intro qui dit lundi à Assemblage requis. J'ai entendu nous qui parlaient d'Assemblage requis. J'ai entendu le bumper qui dit Assemblage requis. Assemblage requis présenté par la... Je pense que c'est l'émission, les matins de Mathieu. Les matins matinaux de Mathieu matinal. Oui. Ouais, voici François Landry et Logocratie 101. S'il vous plaît. Soleil. Le début est solennel, pompeux, royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel, pompeux, royal, royal. Et Assemblage requis est fier d'accueillir François Landry. Je pensais que tu étais pour dire fier de commanditer François. Oui, non, on n'endosse pas du tout tes propos. Non, c'est pas vrai. Tes propos sont tout le temps pertinents. On est heureux. Ben, merci, ça fait plaisir. C'est un honneur. Et aujourd'hui, Macédoine de nouvelles. Donc, petit blé d'Inde, là. Puis un petit... On peut manger au complet. Pois. Ouais. Patates, des gros navets. Oui. Certains concombres. Tomates. Ça, on aimerait en avoir des fois. OK, oui. Ben oui, je cherchais un titre pour... Il n'y a rien dans l'actualité de gros, tu sais, qui mérite vraiment qu'on s'attarde à ça. Mais il y a plusieurs petites nouvelles que je me suis dit, le mot qui résume le plus les grosses légumes qu'on a à Québec et à Ottawa, c'est une macédoine. Fait qu'on appelle ça une macédoine. Parce que dans le dictionnaire, c'est vraiment une salade de légumes. Oui. Moi, j'aurais voulu savoir, une macédoine, est-ce que c'est un melting pot? En anglais, le melting pot, c'est un mélange de tout genre. Mm-hmm. Ben, c'est plate à dire un mélange de tout genre de nouvelles politiques. On aurait pu dire pot pourri. Je retiens pour l'année prochaine, merci. Mais c'est comme des, ça pourrait être aussi des bons titres pour le dîner de con. À la place, ça pourrait être salade de légumes, ça serait pas pire aussi. Ben oui, tout à fait. Tu sais, dîner de con, salade de légumes, j'aime ça. Ça ressemble beaucoup. On prend ça. On garde ça en note. Okay. Ça, c'est le gain, peut-être. Oui, donc, Macédoine, je vais parler du fédéral, du provincial et peut-être même un scoop pour ceux qui n'ont pas lu les journaux ce matin. Oh! 16 mai prochain, Denis Coderre annonce qu'il se présente à la mairie de Montréal. Non! C'est bon, ça? C'est bon. Oui, oui, oui. Il se replie. Il se replie, oui, dans son fief montréalais. Tu sais que c'est ton ami sur Twitter, mais je savais pas que c'était vraiment... Tu trouvais que c'était un bon politicien, ça? Non, ben ça fait juste 2 ans là, qu'il arrête pas d'en parler. Mais oui, c'est un très bon politicien. Dans le sens très noble de politicien, tu sais pas ce qu'il pense, puis tu sais pas ce qu'il dit. C'est le meilleur politicien qu'il y a pas. Écoute, juste l'écouter parler, c'est quand même assez excitant. Excitant, tu vois, jusque-là? Oui, parce que c'est un buzz. C'est un... Fume ou écoute Denis Coderre, c'est le même bête. C'est pareil. Donc, on passe à autre chose. Denis Coderre, c'est fini. Alors, on sait maintenant, le 16 mai, il se présente. On tourne la page. Okay. Il va gagner. Orgasme politique. Politique. Voilà. C'est pas un quote interrompu, mais presque. C'est ça. Il y a eu 2 sondages qui sont parus cette semaine. Puis ça, j'adore ça, les sondages, parce que c'est une photographie de la société québécoise. de ce qu'elle pense de la politique au moment même où c'est pris. Donc, pour avril 2013, des grosses nouvelles. On a su que le 14 avril dernier, Justin Trudeau, notre ami Justin, qui est le winner sur Twitter, qui bat même Justin Bieber en termes de fans. Aïe, aïe, ben, la guerre est entre les deux. Là. Aux États-Unis, c'est Lady Gaga, puis Brad Pitt ou Angelina, je sais plus trop quoi. On s'en fout, carrément. Ouais. Mais au Canada, c'est Justin Bieber contre Justin Trudeau. Ah, oh. C'est quand même winner. Là. Donc, avec son arrivée à la tête du Parti libéral, ça a eu des bouleversements dans l'échiquier, au moins dans l'intention de vote des électeurs. Au mois de mars dernier, 19% de la population canadienne était prête à voter pour le Parti libéral du Canada. Au mois d'avril, 38%. Oh. Une hausse de 19%. Donc, si on se fie à ce sondage-là, le Parti libéral du Canada formerait un gouvernement à Ottawa. Savoir minoritaire, majoritaire, on n'en est pas là. Le Bloc québécois, une chute de 3 points par rapport au dernier mois avec 18%. Le nouveau Parti démocratique, qui on sait, a fait un raz-de-marée sur le Québec, est en chute, lui aussi. Une chute, on pourrait l'appeler quasiment libre. Passe de 39 à 30%. Donc, 9% des électeurs s'en vont directement au Parti libéral du Canada. Mm-hmm. Donc ça, ça fait beaucoup de mal à M. Mulcair. Et le Parti conservateur de Stephen Harper, de 15 à 10%. Lui, c'est normal, il s'est dans le pied tout seul. Puis, au Canada, je pense, au Québec seulement, je pense qu'il est à 4%. Il est encore plus bas que dans le reste du Canada. Donc, oui, le Parti libéral rafle des appuis, surtout aux néo-démocrates, aux conservateurs et aussi au Bloc québécois. Le Bloc québécois, on s'entend qu'ils sont 5 députés. Donc, ils n'ont presque plus de temps de parole. Mais ce qui est rassurant pour le Bloc québécois, c'est qu'ils ont eu leur conseil national la semaine dernière. Donc ça, c'est la deuxième nouvelle. Je fais un lien très breteux. J'ai pas fait de marque de relation. Donc, eux autres disent... ils avaient loué une chambre d'hôtel. Il était à 5. Non, il était quand même 150. OK, je pensais que c'était vrai pour une seconde. Non, les finances le permettraient peut-être même pas une chambre d'hôtel. Mais un motel avec accès direct. Jamais dans ses 20 ans d'histoire, le Bloc québécois n'avait subi une telle raclée depuis le 2 mai 2012, passant de 50 quelques députés à 4. Donc, c'est vraiment une dégelée phénoménale. Le Bloc s'est présenté en tout 7 fois devant l'électorat et à chaque fois, il obtenait un minimum de 54 sièges, au minimum, sur 75. Donc, c'était vraiment le parti au Québec, c'était le Bloc québécois, c'était l'hégémonie totale. Mais depuis 2012, ils sont rayés. Statistiquement, le Bloc n'a que 1,6% des sièges aux communes et 6,6% des sièges que le Québec envoie à Ottawa. Alors, il ne faut pas s'étonner que le temps de parole, comme je disais, est considérablement réduit. Surtout que le chef, Daniel Paillet, n'est même pas député. Donc, on le voit nulle part. On sait qu'il existe. On sait c'est qui ce sympathique barbu-là. Mais est-ce qu'on... C'est tout. Oui, effectivement, c'est tout. On ne sait rien de lui. C'est un ancien député à Québec, oui. Mais quand même, c'est quand même grave. Le parti incontournable au Québec, c'est encore et toujours le NPD, avec 57 sièges sur 100. Ils ont 100 députés dans le Canada, 57 au Québec seulement. Donc, on s'entend que la base... peut-être au pied d'argile. Là. Le NPD, c'est un colosse au pied d'argile au Québec. Mais on verra aux prochaines élections. Là, ils ont perdu 2 députés récemment qui se sont transférés. Un en Lys-Saint-Denis, qui est passé dans Champlain, ici, à côté de Néo-démocrate à libéral. Madame Volteface, Virevolte. Jack Layton est mort. Les gens n'ont pas voté pour Jack Layton. C'était carrément ça. Et l'autre, dans Saguenay, qui est passé au Bloc québécois. Donc, eux, le NPD, représente 76% des sièges du Québec. Ce qui est quand même... beaucoup. L'autre sondage, c'est au provincial. Là, c'est au provincial, ça nous intéresse beaucoup plus parce qu'ils sont minoritaires. Et là, je sais, je vais me faire taper ses doigts par plusieurs d'entre vous, les élections. Quand est-ce qu'il y aura des élections? En étant minoritaire, il y a des élections à tout moment. Ouais. Mais ce matin, je vous avais dit dans les semaines précédentes, au printemps, l'an prochain, 2014, probablement des élections. Probablement. Mais ce matin, il y a un chroniqueur très influent du journal La Presse, pour ne pas le nommer, qui dit, attention, cet automne. Cet automne-là? Cet automne-là pourrait y avoir des élections. Parce qu'à Québec, ça commence à se parler. Et avec le sondage qui est ici, c'est très tentant pour l'opposition. Extrêmement tentant. Parce que ceux qui décident quand les déclencher, c'est en leur faveur dans les sondages. Exactement. Parce que juste pour faire une parenthèse, présentement, il y a la loi 14 qui est en train de se faire discuter. C'est une réforme de la loi 101, donc pour la langue française. Oui. Et là, le PQ veut amener ça, mais ça prend une majorité de sièges pour la faire passer. Les libéraux ont dit non. Nous autres, non. Là, il reste la CAQ à aller voir. La CAQ a dit « Ouais, on pourrait si vous modifiez plusieurs virgules du texte. » Ils ont changé plusieurs virgules du texte, donc la CAQ va dire « Ouais, on va appuyer. » Mais le « Ouais », il n'est pas sûr. Il est pas, c'est pas un contre-signé. Il pourrait dire « Non. » Et là, si le, la CAQ vote contre, en principe, le gouvernement perd la confiance de la Chambre, de l'Assemblée nationale. Donc, en théorie, il devrait aller voir le gouverneur pour dire... le lieutenant, pour dire on n'a plus la confiance de la Chambre, donc déclenchons des élections. Ça se fait demain. Ou Pauline pourrait dire, man, sac, on continue pareil. Tu sais, un pile ou face. Est-ce que ce serait son genre de faire ça, de dire... Elle est orgueilleuse, Pauline. Okay. Elle est orgueilleuse et les sondages lui disent de... sac, closac, continue. Okay. Parce que le Parti québécois avait 29% dernier sondage du mois de mars. Il tombe à 25%, donc moins 4. Le Québec solidaire... une hausse de 1%, donc passe de 10 à 11, donc eux autres se maintiennent. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour Québec solidaire, puisqu'habituellement, ils stagnaient à 6%. Là, ils sont 10%. Quasiment presque le double. C'est, oui, exactement. Et c'est maintenant un plancher, le 10%. Coalition Avenir Québec passe de 25 à 22%. Donc là, on s'entend qu'il y a juste QS qui baisse. Qui monte? Le Parti libéral du Québec. Ah. Avec Philippe Couillard, le nouveau chef. Donc ça marche en affaire. Ça marche en affaire. En n'étant pas présent à l'Assemblée nationale, donc ne fait pas parler contre lui. Et on ne parle pas de lui, mais on ne parle pas contre lui, donc c'est encore mieux en politique. Lui passe de 31 à 38%. Oh. Et à 38%, habituellement, on a un gouvernement ici. À 36, on commence à parler d'un gouvernement minoritaire. À 38, on commence à parler d'un gouvernement majoritaire. Et à titre d'exemple, on s'est amusé à calculer, c'est rien de scientifique, si avec les sondages, on répartit à toute proportion garder les sièges à l'Assemblée, le Parti libéral aurait 76 députés. 35 pour le Parti québécois. Présentement, ils en ont 54. Québec solidaire, 5 sièges. Présentement, ils en ont 2. Et Coalition Avenir Québec, ils en ont 11. Présentement, ils tomberaient à 9. Parce que aussi, dans la Coalition Avenir Québec, de quoi qu'on parle présentement, à part le projet sur Saint-Laurent? On a déjà oublié c'était quoi, hein? Mmh. Il veut développer les deux rives de Saint-Laurent pour en faire une technopole économique. OK. Hop. Quelque chose de même. J'ai pas trop bien compris. Mais il y avait le plan Nord pour Jean Charest, puis il y a le projet Saint-Laurent pour François Legault. Il veut rendre le Saint-Laurent beau. Là, mon micro était pas ouvert. Non, il l'était. OK. T'avais pas l'air sûr. Bon, il veut juste chasser les mouettes des terrains. Ouais, c'est ça. Il veut mettre ça beau, là. Il veut que ça soit sexy. J'ai peur de son interprétation de sexy. Mais... C'est relatif. Ça, ouais, tout est relatif dans la vie. Hein. Donc, la CAQ, on entend quasiment plus parler. Stagne et plusieurs députés, selon certaines rumeurs, seraient prêts à quitter la CAQ prochainement parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient du chef François Legault, donc le pouvoir à très court terme. Donc, beaucoup d'opportunistes dans ce parti-là, des carriéristes, oui, des vendeurs de chars de garage qui veulent arriver au pouvoir rapidement pour dézoner les zones agricoles pour implanter plus de garages. Non, j'exagère, mais ça ressemble étrangement à ça. C'est une caricature très fidèle que j'ai faite. Pourquoi le Parti québécois est en chute libre des intentions de vote? Ouais. Toutes les politiques. Avons-nous eu une bonne nouvelle depuis le 4 septembre dernier? T'sais, une bonne nouvelle qui rend un peuple fier d'être québécois? Non. Je pense pas, non. Non, tu aurais été le premier à savoir. Mais non. Il y a juste des coupeurs dont je t'achète. Tu m'achètes parce que tu sais très bien que je suis au courant de rien. Exactement. Mais si tout le monde avait été heureux, tu aurais été heureux. Oui, ben c'est sûr. Tout à fait. Par répercussion, moi, quand je vois des gens sourire, je leur souris aussi. Écoute, là, c'est la morosité totale. C'est pour ça que ça prend des animateurs une fois que le matin. Blasé, tout ça. Ben non, faut pas te blaser ici. Ben non, jamais. Donc, il n'y a eu aucune bonne nouvelle de la part du gouvernement. On coupe partout, on ferme, on perd des jobs. Tout ce qu'on promettait, on y va à reculons maintenant. On parlait des redevances minières, Martine Ouellet qui était la radicale. On va nationaliser nos mines. Bah, ça se fait pas. On va mettre des éoliennes partout. Ça se fait pas. Mm-hmm. On va investir pour créer de la richesse. On coupe dans l'aide sociale. Huh. Écoute, on va parler de souveraineté du Québec. On va se doter d'une gouvernance souverainiste. Écoute, c'est-tu plate? C'est-tu plate un gouvernement de main qui nous promettait de temps après 9 ans de règne de Jean Charest? Avoir un gouvernement qui... On l'attendait, on voulait... C'est le moment pour faire tout ce qui n'a pas été fait pendant 9 ans. Mais... Puis là, on se rend compte que la différence entre le PLQ et le PQ, c'est un L. C'est puis carrément... L, ouais, voulant dire loser. Mais je voulais qu'il y avait un L. Là, ça. Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux. Donc, 69% des Québécois sondés disent que le PQ va dans la mauvaise direction. 69, là. C'est plus de 2 Québécois sur 3 qui disent que non, on n'aime pas où est-ce qu'on s'en va, là. Mettons un break, reculons, puis prenons l'autre voie. Mais ça, c'est un sondage. Et aussi, le principal problème du Parti québécois, c'est qu'il tente de flirter, crouser, draguer, charmer la clientèle caquiste. Mais selon le sondage, la clientèle caquiste s'en va chez les libéraux. Parce qu'on dit, eux autres, au moins, ils parlent de vraies affaires qui pourraient nous faire apporter des jobs. Bon, tandis que le Parti québécois le fait pas. Et sur son aile gauche, le Parti québécois, à cause qu'il coupe dans l'aide sociale, à cause qu'il n'y a plus de social-démocratie en tant que telle au Québec, disent « Non, non, si c'est ça la gauche, on va aller à Québec solidaire, au moins on va être mieux servi. » Donc, hausse chez QS, une baisse à la coalition à venir Québec, oui, parce qu'ils s'en vont tous au Parti libéral. Donc, c'est pour ça que le Parti libéral gagne. Et chez les francophones aussi, ça, c'est la donnée la plus importante au Québec. Pour qu'un gouvernement péquiste soit au pouvoir, ça lui prend 33% au minimum de du vote francophone. Là, il est à 30%. Oh. Et la CAQ à 25%. Donc, on voit que la CAQ et le Parti libéral grugent beaucoup de votes francophones au Parti québécois. Donc, à 30%, le PQ ne pourra jamais espérer retourner au pouvoir. Donc, c'est pour ça que l'opposition, on le disait en introduction, serait tentée d'aller en élection pour défaire le gouvernement dès l'automne. Là, c'est une présupposition. Là. C'est vraiment... Il peut s'en passer bien les choses d'ici Oui, les barbecues l'été, c'est rentable absolument pour les politiciens. Flipper des burgers, là, c'est extrêmement payant. Donc, flipper des bébés puis embrasser les burgers. J'aimerais tellement savoir ça. Dernière petite nouvelle pour terminer. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Le projet de loi 13 a été adopté. C'est quoi ça, non? J'applaudis. Mais... C'est maintenant, chaque étudiant n'aura plus aucune raison, à part côté idéologique, de ne pas aller voter aux élections provinciales et fédérales. Parce que maintenant, avant, il y avait les scrutins, les boîtes de carton dans les asiles, puis les prisons, puis les foyers de personnes âgées. Mais pas sur les campus universitaires et collégiales. Avec le projet de loi 13, qu'on a modifié la loi sur les élections générales, on va pouvoir maintenant voter sur le campus. Mais attention, il y a une pogne. OK. Ça, ouais. Il y a une petite pogne. On s'est ostiné, Julie et moi, dans le bureau cette semaine, à savoir... Parce que la loi n'est pas très claire là-dessus. On s'est renseigné, puis c'est finalement... C'est comme quatre lignes, là. Le projet de loi est très, très petit. Mais il a fallu se renseigner, on s'est renseigné, et on avait raison tous les deux, et on avait tort tous les deux. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de gagnant. Non. Mais ceux qui pouvaient déjà voter dans leur circonscription, exemple, on va prendre le QTR. Donc, t'habites Trois-Rivières, t'habites dans la circonscription de Trois-Rivières, tu votes donc à Trois-Rivières. Donc, ça peut être dans le sous-sol de l'église, ça peut être à la salle communautaire, dans la maternelle à Saint-Ouen, quelque chose. Mais ceux qui n'habitent pas Trois-Rivières, exemple, un Repentigny, on va prendre cet exemple-là, mais qui étudie à Trois-Rivières, n'a pas à faire le trajet Trois-Rivières-Repentigny pour aller voter et revenir ici après, ça coûte cher de gaz, tu sais, l'effet de serre, faut penser à ça, là. Mm-hmm. Il va pouvoir voter à l'UQTR pour son candidat de Repentigny. Okay. Mm-hmm. Donc, ça va augmenter, on l'espère, le taux de participation aux élections générales, ben, même partielles, des étudiants. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça touche 450 000 jeunes. Oui. Ouais. Et la dernière fois, les élections, c'était 66 % des 18-24 ans qui ont été votés. En 2008, c'était 25 points de moins. Donc 66 moins 25, ça donne un gros 40. Je te laisse faire là-dessus. Ouais, moi aussi, hein, calcul mental le matin. En bas de la moitié des 18-24 ans qui avaient été votés en 2008. Là, avec le printemps arabe, l'an passé, ça a augmenté un peu, mais c'est quand même juste 2 sur 3 qui ont été votés. Ouais. J'espère qu'ils vont quand même plus voter qu'aux élections de l'OGM, mettons. Ben oui, ben il faut voter. Partout ce qu'il faut voter, c'est ça, on voter. Vote. Un référendum, une pétition, n'importe quoi, si ça vous touche exercez votre droit de vote. Parce ça que touche tout le monde, ça. Oui, exactement, parce que le vieil adage le dit, si tu t'occupes pas de politique, la politique va s'occuper de toi. Donc, tous ceux qui chialent contre la politique, ben, c'est ton problème. C'est parce que c'est toi qui l'as pas fait changer. Ouais, ben c'est long à faire changer, il y a plein d'instances. Ben, c'est de même. C'est ça. T'sais. C'est mieux, cette phrase-là, que tu sais, si tu votes pas, tu peux pas chialer, parce qu'on peut chialer même si on vote pas. C'est mieux de ta phrase. Parce que ceux qui disent, moi, je suis tout des membres de main, à Québec, ben, change-les. Ou à limite, devient militant, devient député, puis qui clé dehors, eux autres. Tu sais, il y en a qui l'ont fait. C'est long, c'est fastidieux. Mais c'est quoi le... Rien ne... Il n'y a aucun gain facile, l'expression. Rien ne se perd, rien ne se crie. Quand tu craches en l'air, ça t'en descend-tu? Rien vaut mieux que deux, tu l'as. Trouvons un slogan. Trouvons un slogan. Forcez-vous, puis tout réussit. Aïe, hein? Un vrai poète. J'ai pris ça dans le livre Les Secrets. Ça, j'allais dire, t'étais comme un motivateur. J'en fais un coach de vie. Un coach de vie. Oui. Oh, que oui. Life coach. Ma future carrière. Mais c'est tout. C'est tout. Merci, François Landry. Ça fait plaisir. Quelle excellente chronique, comme toujours, hein, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Moi, je suis allé voter à Québec pour Belleuil. Pour de vrai. Hein? J'étais à Québec, puis c'était la journée qu'on avait le droit de voter en différé, je pense. Fait que j'ai voté à Québec pour chez mes parents, parce que j'ai pas changé d'adresse encore. Donc, t'es un multiculturaliste. Ouais. Ouais. Tu mélanges les genres. Ouais. C'est bien. T'as voté, c'est bien. On te retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Pour la dernière. Pour la dernière fois, le matin, en tout cas, pour l'instant. Et puis, sinon, on te retrouve aussi sur Twitter. Entre autres. Le Twitter, attache-po. Attache-po, sur Twitter. A-T-T-A-C-H-E-P-O. Ouais, c'est ça. C'est vrai ça, hein? Merci encore. Donc, on retourne en musique à entendre Groenland, leur pièce, leur extrait du palmarès anglophone, qui s'appelle, si j'ai réussi à sortir mon CD de là, The Things I've Done. Au retour, on revient pour se dire un petit au revoir et une bonne fête samedi. Tout à l'heure. C'est Groenland et The Things I've Done à Assemblage Rocky. C'est là-dessus que se termine notre belle petite semaine. Il nous en reste une dernière. Eh oui, Mathieu. On pourrait faire de quoi de spécial. Oui, hein? Ouais, je pense qu'on va avoir des gens peut-être qui seront peut-être pas nécessairement là comme d'habitude. Je sais pas. De quoi ça ressemble? C'est toi qui t'occupes de ça. Ben, je dirais que ça va ressembler pas mal à une semaine normale. Ah, et puis ensuite, on commence... C'est pas une semaine de relâche, là. Non, la plupart des gens vont venir. Ok, cool. Après ça, on va avoir les Palmarès C'est Fou, édition dernière de la saison, jeudi. Puis après ça, l'autre semaine d'après, et c'est là qu'on va, la semaine prochaine, révéler des choses par rapport à ça. Mais on va avoir une grosse émission estivale comme tous les étés, mais pas comme tous les étés, parce qu'elle va être différente, celle-là. Et qu'on va travailler fort là-dessus. On change de concept pas mal, on travaille ensemble sur ça. Déjà là, on a un scoop. Oh, ça veut dire qu'on va être là les deux, sûrement, je me dis. Oh, ben, ça veut peut-être qu'on va travailler ensemble. Oh, donc, on remercie François Landry. Oui. On remercie Algie Durocher. Merci à vous. Maxime Bilodeau. Merci. À la chaise qui est dans. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci à toi, Mathieu. Toujours un plaisir de se réveiller avec toi. Tellement, tellement. On se réveille pas ensemble, mais on se réveille comme... si seulement. Lundi, on aura Simon Fitzbé et Alexandre Carignan, ainsi que, je crois, Véronique Mille va être là aussi. On se quitte avec une pièce des Sœurs Boulées, de bande spéciale d'Anne-Julie Durocher. Ben oui. Par le chignon du coup. Ben oui. On écoute ça. Bonne fin de semaine. C'est appuyé par François Landry. Non, François Landry. Non, appuyé. J'aime pas bien. Je pars au vent et son souffle me libère. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs, le cœur par le chignon du cou. Marcher sans savoir où aller en suivant les feux verts. Les deux poches toutes pleines de trous, aller prendre un verre. Juste un peu et crier au travers. Pour tous les passants et les gueux, inventer des prières et les chanter. La voix cassée, comme tu me l'as montré. Je pars au vent, ils sont souffle me libère. Je me fous de la poussière.